Bonjour à tous, après 35 épisodes de Sonnet la 12 Souls, une nouvelle ère commence, je dirais. Et oui, je suis le nouveau sauveur des masses intellectuelles. Et oui, c'est Broustic qui anime cette fois-ci, ce n'est pas Gus qui ne sera pas là. Après 35 émissions, bah la 36e sera celle de trop, le roi Gus a abdiqué. Le peuple gagne. Yes! Et On l'a donc avec viré. moi, bah, le peuple va exprimer sa joie avec MP donc du Canada. Yes, Bonjour yes, MP. yes. Et oui, je fais morto, je suis content. J'ai Ah terminé oui, Kval. ça faisait longtemps, oui, que tu n'étais pas là, il me semble, début d'année. Et depuis janvier, je crois, que je n'avais pas été un intervenant régulier, mais là, je reviens pour quelques numéros, je l'espère. En tout cas, je serai là avec vous durant ce podcast d'environ 1 heure. 1 heure et demie, donc ce sera un bon moment à passer avec vous. Et oui, alors, ça on n'en doute pas. Et puis on va passer bah, l'autre bout de l'Atlantique avec Nantes cette fois-ci, les environs de Nantes en tout cas avec Verpa d'Oro. Salut Verpa. Salut. Ça va? Ouais, ça va. En forme, il faut bien en profiter, hein, il n'y a pas Gus, donc on peut faire ce qu'on veut. Bah ouais, c'est ça, c'est la débauche complète. Et puis bah, notre Nantais aussi qui est en joie depuis une semaine, Tifo. Salut Tifo. Ouais, on est en Ligue 1. Salut tout le monde. Elle est bien motivée à fond, là, j'ai l'impression. Ouais, totalement. Et on continue vers le nord avec Vincent. Salut tout le monde. Là aussi content, non? Le roi Non, moi je suis en Ligue abdiqué. 2. Non, mais non, mais je ne parlais pas. C'est genre foiré, quoi. Bon, mais on va passer maintenant au nord-est avec Sébastien. Salut Sébastien. Salut tout le monde. Et oui, un Seb en plus qui nous a eu une sacrée exclue hier, hein, tout de même. Hein. Eh oui, l'interview avec Shana, que vous pouvez d'ailleurs écouter à ce jour sur YouTube ou sur Archive également. Eh oui, en effet, n'oubliez pas évidemment après les votes Gutcheck du 8 au 15 juin, voilà. Mais ça, on vous le rappellera à la fin du podcast. Et puis, on va finir par le sud-est, mais ce n'est pas Gus, mais Renaud, le Niçois. Salut Renaud. Salut, salut Brosti, salut tout le monde. Et voilà, ben, tout le monde est bien motivé. Donc, on va pouvoir lancer ce podcast donc, pour parler du pay-per-view Extreme Rules qui s'est déroulé le 19 mai dernier. Donc, voilà, ben, écoutez, si tout le monde est bon, ben, on va pouvoir aller à Saint-Louis dans quelques instants après le jingle qui va suivre. C'est un petit bout du thème song du pay-per-view. Voilà. À tout de suite. Spin out of my life. Stepping out of line, the streets of my school. Can't get enough of a good time. Gonna live it up while I'm still alive. I'm a hellraiser, risk taker, full speed ahead till I'm dead in the fast lane. Live wire, wildfire. I'd rather burn up in flames than fade away. You gotta live it up. Donc, nous revoilà donc pour parler d'Extreme Rules, donc qui s'est déroulé le 19 mai dernier au Scott Trade Center de Saint-Louis. Avec le pré-show d'abord. Il me semble que MP l'a vu. Et oui, Donc, je l'ai qu'est-ce que vu. tu pourrais en dire? J'étais là pour le live. Mais moi, j'ai trouvé que c'était d'ailleurs un bon match. Avant le match, on a eu d'ailleurs Sébastien aussi pour en parler, le panel d'experts avec René Young, Titus O'Neil, Mick Foley et Wade Barrett, si je me souviens bien. C'est les quatre noms qui étaient dans ce panel d'experts pour le pay-per-view. Je trouve que ça a été assez bien présenté d'ailleurs. Dans le pre-show, on nous a montré un peu toutes les promos comme à l'habitude, mais oui, je pense que c'était une bonne présentation. Puis le match qui a suivi aussi, j'ai trouvé que c'était un bon match de pre-show. C'était pas un long match, d'une durée qu'on a comme d'habitude 5-6 minutes, mais c'était un match qui avait un rythme intéressant, avec deux workers qui sont pas mauvais en Tommy's et Cody Rhodes. Puis ben, c'est sûr que Cody Rhodes, ça va être toujours. À lui, le talent du Miz, qui n'est pas nécessairement le meilleur technicien, comme on le voit d'ailleurs avec sa prise de finition, le Finger Four, qui a pris de Ric Flair, qui a des difficultés à appliquer, mais c'est quand même un bon match. Puis pour le pré-show, je pense que ça fait le travail de réchauffer la foule, puis on était prêt à lancer le pay-per-view après ça. Oui, j'ai oublié de préciser que le match aura duré 4 minutes 45, que The Miz avait emporté, donc par soumission, comme d'habitude. Et je crois aussi que Sébastien l'avait vu, mais avec les mêmes problèmes que à peu près tous les Européens ont eu. MP non, mais il y a eu une grosse coupure pendant le pré-show qui nous a privés d'une bonne partie, ce qui n'est pas gravissime, mais bon, voilà. Puis tu as vu aussi le Ouais, c'est post-show, ça, j'ai avec le pas eu même l'occasion de panel voir aussi. grand-chose, hein, puisqu'il y a quasiment un quart d'heure qui a été coupé, mais bon, sur ce que j'ai vu, c'était basiquement des previews tout simplement des matchs qui allaient avoir lieu dans le pay-per-view, donc j'ai pas vraiment grand-chose à dire sur ce pré-show, si ce n'est que l'affiche qui était proposée, c'est-à-dire le Miz contre Cody Rhodes, je trouve que c'est pas une affiche qui attire forcément, donc j'ai rien raté et je ne m'en plains pas. Et en Mais comparaison, toi qui as vu après le post-show, c'est un meilleur produit le post-show que le pré-show, non? Ah oui, le post-show, en revanche, ça j'ai vraiment adoré ce concept parce que ça rend beaucoup plus légitime l'action parce que tu as un groupe d'intervenants, c'est-à-dire Renee Young, il y avait également Wade Barrett, Titus O'Neil et le dernier, il m'échappe maintenant, je ne Mick sais plus qui Foley, c'est. Mick c'était les Foley. mêmes qu'au Mick pré-show. Foley, voilà. Et donc, ils commentent en fait match par match une petite analyse sur ce qu'ils ont vu. Et il y a également des interviews d'après-match qui sont proposées dans les vestiaires. Donc tout ça rend vraiment le produit légitime et ça amène le côté sportif en avant. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Il avait fait pour WrestleMania ça déjà les gars. Je me trompe? Ouais, ils avaient Non. déjà commencé à WrestleMania, Ouais, c'est ça. mais Ils vont le faire toute l'année alors. apparemment ça va devenir une constante apparemment dans le futur et donc c'est une bonne chose, je trouve. Pour revenir vite fait sur le match du pré-show, je trouve que c'est quand même un petit peu con de mettre une affiche comme ça entre deux adversaires qui ne sont jamais rencontrés ou qui n'ont pas de rivalité. À la limite, mettre une rivalité mineure, mais mettre quelque chose, quoi. Enfin, je sais pas. Bien mettre un bon match, alors que là, mise à Cody Rhodes. Autant l'affiche ne vend pas du rêve, mais le match en lui-même non plus, quoi. Donc on est perdant Mais des deux côtés. on a déjà eu pire entre, par exemple, Moxley et David Otunga, je veux dire. Oui, je m'en souviens. Non, mais enfin, je comprends pas cette idée de mettre un match comme ça en pré-show. Autant que ce soit un match auquel on peut se référer, quoi, par rapport au weekly parce qu'il y a une rivalité ou parce que c'est deux catcheurs qu'on aime bien, quoi. Alors que là, Miz et Cody Rhodes, pas sûr que ça vende du rêve. Non, mais moi, ça donne un match gratuit pour ceux qui ne vont pas nécessairement. Regarder les pay-per-views sur Internet ou commander des pay-per-views à la télé, je veux dire, c'est quand même un bonus intéressant pour ceux qui veulent voir un match comme ça. Là, c'est sûr qu'on n'a pas vraiment de rivalité entre les deux, mais au moins, je veux dire, t'as deux mecs qui sortent pas de superstar, au moins, j'ai envie de dire. Ah mais je suis pas sûr que ça soit vraiment indispensable que tu te dis ah tiens je vais aller voir ma télé à 2 h, enfin si on est aux États-Unis je vais aller voir ma télé ce soir parce qu'il y a Miss Cody Rhodes qui va passer surtout c'est un match de 5 minutes tu peux voir le même à Raw, quoi. Mais oui, bon après l'intérêt est relatif. Et de toute façon, dans les pré-shows, à chaque fois, ça fait depuis longtemps qu'il n'y a pas vraiment eu un pré-show en jeu. D'habitude, c'est pour les titres par équipe, les derniers à chaque fois qui ont été avec un jeu. Donc c'est plus de remplissage Il y a le maintenant. pré-show de WrestleMania qui était en jeu quand même. Avec un changement de titre. Ah oui, Miz. c'est vrai. Oui, c'était J'ai Wade déjà Barrett. oublié. C'est vrai. Wade Barrett The Mais bon, Miz, mais c'était l'enjeu. WrestleMania aussi. C'est toujours différent, c'est toujours un show particulier. Bon, voilà. Et Miz qui accumule d'ailleurs les prix chauds. On se demande un peu où sa carrière va aller, mais je ne vais pas non plus lancer un débat, mais 2 prix chauds de suite. Alors que le mec qui main eventait il n'y a pas si longtemps. C'est une preuve, c'est une preuve. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter sur le pré-show? Bon, mais c'est bien. Bon, bah, alors on peut ouvrir Extreme Rules avec le tout premier match qui était un match simple entre Chris Jericho et Fandango. Le match a duré 8 minutes 32 avec une victoire de Y2J et Chris Jericho par tombée. Et c'était la première défaite de Fandango. Dans un match qui s'est fini par tomber ou soumission, je crois, parce qu'il avait perdu par décompte à l'extérieur précédemment contre Artruss, il me semble, de mémoire. Et c'était sa toute première défaite, donc, et la vengeance de Chris Jericho après la défaite à WrestleMania. Donc, Tifo, qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, bon, c'était un match plutôt correct. J'ai trouvé quand même que Jericho était bien physiquement, honnêtement, il a bien porté le match, j'ai trouvé. Donc ouais, c'était un bon petit opener, sympathique. Et j'ai trouvé le code breaker de fin vraiment bien porté. Ça a donné une fin une bonne fin, donc ouais, bon match. Et Renaud? fin et résultat logique, pardon. Renaud? Pareil que Tifo, ouais, j'ai trouvé que c'était un bon opener, bien meilleur que leur combat à WrestleMania, qui était pour moi trop à sens unique. Bon, c'est sûr qu'ils allaient laisser les clés du match à Chris Jericho à WrestleMania, c'était pratiquement une certitude, parce que Fandango, lui, c'était son premier pay-per-view, c'était WrestleMania. Bon, je comprends, mais pour moi, c'était trop à sens unique, et là, je trouvais quand même qu'il y avait du répondant de la part de Fandango. Donc, ouais, bon opener, meilleur qu'à WrestleMania 29. Assez sympa dans l'ensemble, pas un énorme combat, mais ça a comblé mes attentes, donc bon petit point, ouais. Voilà pour moi. Sébastien. Ah, cette défaite de Fandango, je pense pas que ça lui sera préjudiciable dans le futur, parce que autant si tu fais une première défaite, autant la faire contre un catcheur de renom, donc Chris Jericho, c'est un bon choix. Je pense que ça ouvrira certainement la voie à un match re-revanche entre les deux hommes. Et cette fois-ci, Fandango reprendra le dessus, je pense. Mais pour le coup, c'est la bonne décision, je pense, d'avoir mis Jericho en avant ce soir-là. Ouais, j'aurais tendance à être d'accord, parce que c'est vrai que c'était assez décevant la dernière fois, et puis là, c'est vrai, il y a vraiment du mieux. Hein. Là, je prends la réaction de Gus qui m'a laissé, là, qui m'a dit que c'était un bon petit match et qui lance le show. Fandango qui a fait quelques petits progrès depuis WrestleMania, il vend mieux les prises. Et donc, il a bien aimé globalement le match, mais c'est vrai que là, il a un meilleur rythme ce match, il est beaucoup plus agréable à suivre, et vraiment, bah voilà, c'était. Vraiment une revanche pleine à WrestleMania, enfin je pense. Ou enfin, je trouve que moi, c'est Jericho qui a porté le match. Honnêtement, Fandango, il n'a pas fait grand-chose. Oui, mais ça c'est l'habitude de Jericho. Après Fandango, bah, il s'est un peu mieux débrouillé, je trouve, qu'à WrestleMania, parce que bah, Bon, il a juste vendu des prises, quoi. Honnêtement, sinon, il a été assez inexistant, j'ai trouvé. mais vendre des prix, c'est quand même un art. Hein. On peut penser à Dolph Ziggler ou Bobby Roode qui sont des maîtres dans ce domaine, un match, ça se fait quand même à deux. On peut dire ce qu'on veut, mais Fandango a quand même un rôle à jouer dans ça. Fait qu'on peut pas, juste donner ce match-là à Jericho. Parce que Jericho, c'est un des meilleurs au monde, puis je le respecte énormément. J'ai ses deux livres et tout, je les ai lus. Mais on peut pas dire qu'un match, ça se fait tout seul. Et je pense que Fandango a quand même un rôle à jouer là-dedans. Puis, je veux dire que, comme vous l'avez dit, le match est bien meilleur qu'on a eu à WrestleMania. Puis, comme Seb l'a dit aussi, le feu doit sûrement se poursuivre, vu ce qu'on a vu à Raw, avec l'interaction entre les deux dans le tag team match qui a ouvert le show. Donc, c'est quand même à voir. J'ai hâte de voir comment ça va se poursuivre. De toute façon, ce phénomène-là, Fandango, est un peu s'est calmé, là, on peut le dire. Les réactions que Fandango a dans les derniers shows, c'est pas super. Donc, je sais pas si la faute a l'air de se poursuivre, mais est-ce que la gimmick de Fandango va se poursuivre pendant longtemps? Ça, c'est encore à voir. Et vers pas. Ouais, pour rebondir sur ce que disait MP, oui, surtout que, a priori, le changement de danseuse serait entériné. On serait passé de la vraie danseuse à Summer Rae, donc, a priori, elle est quand même particulièrement mise en avant, et que Fandango est presque en train de. En fait, Fandango, j'ai l'impression qu'il se fait voler la vedette un peu par tout ce qui l'entoure, entre sa musique, sa danseuse, mais en fait, lui-même, il n'est pas détonnant dans un ring. Il est assez moyen, assez peu clinquant, on va dire, on pourrait en trouver une dizaine comme lui, mais il fait pas d'erreur, il est juste il a un niveau correct. Bon, bien sûr, on pouvait pas deviner qu'il allait être avoir une telle exposition l'année dernière ou ne serait-ce qu'il y a 6 mois. Pour l'instant, il fait son petit bonhomme de chemin, c'est déjà ça. Par contre, c'est bien difficile de voir où est-ce qu'il va pouvoir aller après Chris Jericho. Est-ce qu'il va avoir une autre feud contre quelqu'un d'assez élevé? Par exemple, peut-être que le Miz, ça lui irait bien. Mais oui, ça va être difficile de voir vers quel chemin il va prendre. Est-ce qu'il va descendre petit à petit à la Zack Ryder? Ou est-ce qu'alors il va monter petit à petit, il peut faire oui, une Wade Barrett ou une Dolph Ziggler lentement? Mais oui, compliqué. Même si à Payback, là, on semble se diriger encore vers une belle. Et après, c'est vrai que la suite, C'est assez dubitatif. Ouais. J'ai l'impression quand même que Fandango, il est un peu enfermé dans son personnage. Je veux dire, prenez l'exemple de Produce Clay. On pourra jamais le prendre vraiment sérieux parce qu'il a quand même une gimmick de danseur. Alors Fandango, on peut pas non plus le mettre trop haut sur la carte, je pense, avec cette gimmick-là. Oui, d'ailleurs, Chris Jericho avait révélé dans une interview récemment qu'il avait fait la remarque à Vince McMahon qu'il voyait à l'avenir Fandango comme face parce qu'il a une gimmick tellement ridicule que, enfin, selon les mots de Jericho, que du coup, ça peut pas passer un heel parce que c'est raillé par tout le monde. T'as remarqué que ça a pris avec la foule, hein. De toute façon, sa musique, ça a pris de suite, ça a été un phénomène. Oui, c'est vrai que c'est très rare de voir un heel avoir une musique autant appréciée ou même un personnage. Les gens rigolent, hein. On voit Fandango quand il fait ses mouvements de corps là, avant de faire certaines prises, quand tu vois se déhancher dans le ring alors qu'il n'a pas fait une prise, t'as tous les gens au premier rang qui sont morts de rire. Moi, c'est un personnage que je prends au 36e degré, Fandango. Et je prends, je regarde, mais ça s'arrête là, quoi. De toute façon, il est clairement limité dans le ring, donc j'attends pas grand-chose de lui. On verra bien, mais ouais, on verra bien à suivre, mais rien de spécial à rajouter. Non. On passe à la suite, messieurs. Et on a Gus numéro 2 ce soir. Hashtag Ouais, c'est un hommage, ouais, c'est ça. Et donc, le deuxième match, c'était aussi un match simple pour le titre des États-Unis, avec Kofi Kingston qui arrivait en champion et qui affrontait Dean Ambrose, le leader charismatique de The Shield. Et c'est Dean Ambrose qui s'est imposé au bout de 6 minutes 49. Donc, je vais passer la parole à Vincent cette fois-ci. C'est un bon match, un match qui est pas exceptionnel, mais qui est correct pour un match pour le titre des États-Unis. On voit que la WWE a voulu pusher Ambrose en solo, contrairement à Rollins et Reigns. C'est plutôt logique, je trouve, parce que c'est le plus charismatique des trois. Puis c'est aussi celui qui vend le mieux les prises des trois, je pense. Après, Kofi Kingston, j'ai envie de dire, c'est un champion intermédiaire, quoi. Il était là pour passer le relais à Dean Ambrose. Après, puis c'est vrai aussi que Kofi Kingston n'a jamais eu des règnes très marquants dans l'esprit des gens, donc dans un sens, vaut mieux qu'il le perde assez vite. Bon, ben, je vais un peu aborder l'ensemble de Vincent avec sa réaction que c'est un bon match et tout. D'ailleurs, Dean Ambrose, qui a presque été acclamé par une majorité, je dirais, de la foule dans ce match-là, je sais pas si Saint-Louis, c'est peut-être un plus un public, c'est quand même un public qui a quand même une tradition de catch, donc on peut penser que les fans sont quand même assez intelligents et tout, donc c'était du côté d'Ambrose dans ce match-là. Puis d'ailleurs, un fait assez important, c'est qu'il n'y a pas eu d'intervention des autres membres de The Shield. Donc c'est une victoire très clean, tout comme le tag team match. La WWE book vraiment bien The Shield depuis le début du groupe. Et je pense que ça. D'habitude, le titre, c'est pas. Le titre US, le titre intercontinental, c'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui le reçoivent parce qu'ils commencent à le jouer contre tous les autres, mais. Dans le cas, je pense, de Toshir, je pense que ça peut vraiment élever le titre, surtout s'il le défend contre des mecs comme Orton, Sheamus et trucs du genre. Donc, si Dean Ambrose aussi abattre ces mecs-là, c'est clair que ça peut l'élever à un autre niveau. Puis, on voit que la WWE a vraiment confiance en Toshir. Puis, c'est un bon match d'ailleurs entre Kofi, qui est un des meilleurs workers, selon moi aussi, dans la mid-card, avec Dean Ambrose, qu'on connaît tous son passage à l'Indie. Puis c'est un excellent mec pour vendre les prises. Puis c'est un mec qui s'implique vraiment dans le ring. Puis on voyait aussi qu'il y avait de la variété dans ses mouvements. Il y a des trucs, des petits détails comme sa descente du coude à la Great Muta ou des trucs du genre que ça fait changement. Il n'y a pas le même moveset que tout le monde. On dirait pas que le mec a été formaté à la FCW maintenant à la NXT. Il y a son style particulier aussi. C'est très bien à voir. Donc, ouais, c'est un match très plaisant pour moi. Et Tifo, t'es content de ce changement de titre? Oh bah ouais, je suis content parce que déjà le titre US, honnêtement, pourquoi il est allé à Kofi Kingston? Honnêtement, on sait pas pourquoi il l'a gardé un mois, même pas, je sais, 3 semaines. Ce qu'il a payé, non, je sais même plus quand est-ce qu'il a gagné contre Cesaro. Enfin bref, son règne, bah, c'était plat, il n'y a rien eu. C'était vraiment pour faire feuder Dean Ambrose contre un face et puis le faire gagner après, hein, honnêtement. Mais c'est une très bonne nouvelle. Je pense que ça peut redonner la crédibilité au titre. Après, ouais, comme le disait, c'est Renault, je sais plus, enfin, ou MP, s'il y a des mecs comme Orton, Sheamus qui peuvent venir feuder, ça peut être du très très bon. Donc, très bonne nouvelle. Pas. Ouais, c'était vraiment très prévisible quand même que Dean Ambrose remporte le match. Ouais, par contre, on voit bien quand même que Ambrose, il est tout de suite au niveau. On voit qu'il n'est pas en dessous. Kofi Kingston, bon bah pourquoi il avait le titre pour rebondir sur la question d'avant. Bah comme partout, hein, quand on a besoin d'un titre mineur et qu'on a besoin de quelqu'un pour faire une transition entre deux feuds assez importantes, bah on met Kingston, hein, qui stagne depuis je sais pas combien d'années. Mais oui non, bon, il aurait eu un règne de champion assez effacé. Finalement, Dean Ambrose, il prend le titre évidemment pour on va le voir plus tard pour renforcer The Shield. À mon avis, il peut le garder un bon petit moment. Mais c'était un match vraiment qui bon, dure 6 minutes et quelques. Mais vraiment un bon petit match US. Par contre, j'ai l'impression qu'on va pas se diriger vers une grande feud entre Ambrose et Kingston. Ça va plutôt être. On va peut-être avoir un rematch bientôt à Raw, juste pour le fun. Et après, on va directement passer à autre chose avec, pourquoi pas dans quelques mois, une prise de titre par un face contre Ambrose. Oui, éventuellement. Mais après, à se demander qui pourrait l'affronter, peut-être The Miz, mais bon, je sais pas. Je cherche encore les faces à ce niveau-là qui adorent taquiner les ceintures de ce genre. Mais bon. Ouais, non, mais le match, bah, il est hyper agréable. De toute façon, Dean Ambrose, bah, pour le connaître quand même pas mal, bah, lui, il bosse quand même pas mal dans un style assez rude, mais il sait pas mal s'adapter à l'adversaire. Et puis Kofi, quand même, très bon matcheur. Après, je rejoins vos avis. De toute façon, c'est un champion, bah, c'est vrai, assez effacé. Lui, ça lui faisait son troisième titre des États-Unis. Il en a eu quatre intercontinentaux aussi. Il fait beaucoup de ceintures, mais à l'arrivée, il n'y a rien de marquant. Donc, bah, au bout du compte, bah, c'est logique, quoi, ce changement. Et puis, ça va dans l'humeur parce qu'Ambrose, bah, il a quand même affronté l'Undertaker dernièrement. Bah, il est voué à affronter un peu plus du lourd. Hein. Renaud? Ouais, je pense comme toi, je pense que Ambrose il a un grand avenir à la fédération. D'ailleurs, Triple H en a parlé récemment. Et si Triple H le dit, bon, ben, c'est bon signe pour lui. De toute façon, il a travaillé avec des grands hein, depuis qu'il est arrivé dans le Shield. Il a quand même croisé Daniel Bryan, Kane, l'Undertaker récemment. Il a fait quelques 1 contre 1 à SmackDown, à Raw aussi, je pense qu'il a fait d'un contre 1. Donc, c'est logique, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de suspense. Mais en 6 minutes, ils nous ont quand même pondu un très très bon match agréable à regarder, pas de temps mort. Donc très heureux pour Dean Ambrose et Kofi Kingston, mais hein, le pauvre, je sais pas ce qu'ils vont faire avec lui, je sais même pas s'ils comptent faire quelque chose de toute façon avec lui. À ce point-là, je pense que la mid-card pour Kofi, bon ben, ça sera jusqu'à la fin, quoi. Tant qu'il sera à la WWE, je pense qu'il sera mid-card. Pour Dean Ambrose, je suis vraiment heureux pour lui. Et Sébastien? Ouais, moi aussi je suis inquiet sur le fait que Kofi Kingston ait peut-être déjà atteint le maximum dans sa carrière parce que je crois qu'il tourne en rond depuis des années maintenant et je crains qu'il n'aura jamais l'opportunité de montrer autre chose que le titre US ou le titre intercontinental. En revanche, Gilles Ambrose, c'est vrai que j'ai été très content comme vous de sa victoire et je suis impatient de voir qu'est-ce que ça va donner dans le futur. Est-ce qu'il y aura des rivalités solo? Comment ça va s'emboîter avec le fait qu'il soit dans le Shield? Tout ça, j'ai envie de le voir et je suis pressé de voir ça dans les semaines à venir. Sinon, pour me vanter un petit peu, vous aurez bien sûr vu que c'était pendant ce match qu'il y a eu le premier de mes deux tweets diffusés sur AB1. Voilà. Ah oui. Ah oui, la star médiatique. Et le petit avis de Gus qui a dit que c'est logique parce que la domination du Shield est absolument énorme. Il pensait pas que le clan marcherait si bien avec bah, une route aussi parfaite. Et qu'au bout du compte, c'est super. Voilà, ouais, je cite. Le premier match à Stipulus, c'était le strap match entre Marc-Henri et Sheamus, remporté par Sheamus en 8 minutes, donc qui a touché les quatre coins du ring, fait allumer les quatre lumières vertes en l'occurrence. Sans risque, c'était lumière rouge. Voilà. Donc Renaud, t'as pensé quoi de ce match? Je suis pas spécialement fan des strap match. Je trouve que ça limite trop les catcheurs d'être attachés les uns aux autres. Ils peuvent pas beaucoup faire de prises. Ils sont très comment dire, ben ils peuvent pas s'exprimer quoi dans le ring. Alors j'en ai vu beaucoup des strap match. C'est pas le pire que j'ai vu. C'est pas non plus le meilleur. moi je pense que le meilleur strap match que j'ai vu, ça doit être Stone Cold Steve Austin contre Savio Vega en 96. D'ailleurs, Stone Cold Steve Austin, qui se faisait appeler à l'époque le Ringmaster, était accompagné de DiBiase en tant que manager. Mais sur ce match-là, rien de spécial. C'est le plus mauvais match depuis le début du show, pour moi en tout cas. Mais je m'attendais à ça aussi. Donc d'un côté, j'ai pas non plus été tant surpris que ça. En plus, Marc Henry, il n'a pas non plus 36 000 prises. Si en plus on l'attache à un gars, voilà quoi, le résultat il est là. Donc pas emballé à la base et finalement pas emballé à la fin du match aussi. Donc voilà pour moi, on repassera. Moi, mais j'espère vraiment, par contre, avoir un Henry Sheamus au prochain pay-per-view, malgré tout. Peut-être en un contre un ou avec une stipu extrême, ou je sais pas, je pense que ça peut quand même donner quelque chose parce que Sheamus il bosse avec tout le monde. Il a bossé avec Big Show en fin d'année, c'était très bon. Big Show il nous avait plus sorti de match comme ça. Sheamus l'a bien mis en avant, je pense que c'est un des meilleurs big men à la fédération. Marc Henry est très fort dans la domination aussi, on l'avait vu à Elimination Chamber. Il avait été très très bon. Je pense que dans une autre stipu, ça peut super bien marcher. En strap match, c'est une stipu qui limite trop les catcheurs. Voilà. Et Sébastien, t'as aussi moyennement apprécié le match? Ouais, non, moi, comme j'avais pas forcément d'espoir très grand pour ce match, j'ai plutôt été satisfait de ce qui a été proposé. La stipulation avec le fait de taper dans chaque coin, là, je trouve que c'est assez pathétique quand même. Et pour le coup, ils ont trouvé le moyen de faire quelque chose de divertissant pour un match qui n'était pas parti d'avance comme étant divertissant, justement. Mais non, ouais, j'étais satisfait de ce qu'on a eu, hein. Ça passe. Et la dernière fois qu'ils s'étaient affrontés en pay-per-view, c'était à Money in the Bank 2011. Marc Henry avait gagné par des comptes extérieurs. Donc voilà, ça remet les compteurs à c'était zéro. C'était au SummerSlam, Bruce. Ah, au SummerSlam. Et je vais demander alors à Tifo. Ouais, bon, après les strap match, j'ai jamais vraiment été fan de ce genre de match. Et bah, ça s'est confirmé tout au long du match. Ça m'a pas emballé du tout. C'était très lent. Et puis, comme l'a dit Renaud, les catcheurs peuvent pas du tout s'exprimer. Ils sont quasiment collés. Donc, ouais, après. Et puis, même le fait d'aller toucher les quatre coins du ring, après, c'est lent, quoi, comme match. Il y a vraiment aucun rythme. Donc, et puis, même avec Sheamus et Marc Henry en plus. Déjà, on s'attendait pas à un grand match, alors avec un strap match, c'était vraiment pas bon, quoi. Et il y en a un qui a apprécié le match, Gus. Il a dit que c'était pas mauvais et sympathique à regarder, parce que c'est une stipule qu'on voit peu. Mais il ajoute que le problème, c'est que le fait que le gagnant doive toucher les coins pour gagner le match, c'est pas du vrai catch. Il a bien aimé surtout l'organisation du match et la bonne tactique de Sheamus. Donc, Verpa, t'as aussi un petit peu cette impression ou... Moi, j'ai adoré moi ce match. J'ai trouvé génial. Alors, je sais pas pourquoi, mais vraiment, non, j'ai trouvé génial. Déjà, l'idée d'avoir mis des petites lumières déjà dans le coin, parce que c'est une nouveauté hein, dans les straps. Là, c'est nouveau, là. Je trouve que c'était une très bonne idée, parce que déjà, c'est beaucoup plus clair que quand on regarde l'arbitre donner 1, 2, 3. C'était vraiment beaucoup plus compréhensible pour le fan lambda. Et puis aussi, j'ai trouvé que vraiment, Sheamus Henry... Bah, ils ont innové dans ce truc-là, parce que oui, tu reparlais tout à l'heure du Rocky en 1996. Oui, c'était un bon strap match, mais à force, on commençait à toujours voir un peu la même chose. Puis c'est vrai que, bon, si on compare avec l'un des derniers, qui était le JTG Shad, je crois, c'est ouais. Vraiment, oui, d'un super niveau, quoi. J'ai trouvé qu'il y avait des nouveautés, il y avait des petits passages humoristiques avec des jeux avec la corde, Sheamus qui l'utilise très bien. Non, vraiment, j'ai trouvé... un très grand strap match, même si ça reste un strap match bien évidemment, mais c'était vraiment une utilisation réussie de la stipulation, alors que pourtant j'en attendais quasiment rien. Mes attentes étaient très très basses. Bon ben, Verpa, je vais t'offrir le WWE Best of the Strap Match quand ça va sortir, mais sinon, j'ai pas trouvé que c'était un grand match. Je suis mes compatriotes, c'était pas un super match, c'était un strap match bien normal. D'ailleurs, c'est moi où le strap en tant que tel, c'est un peu trop grand parce que d'habitude, le but du strap match, c'est quand même d'emmener ton adversaire dans chaque coin. Là, Sheamus, il pouvait, quand Henry était dans le milieu du ring, il pouvait toucher les quatre coins sans problème, quoi. Donc, le strap était plus grand que d'habitude, je confirme. Ouais, c'est. En tout cas, c'était pas un si mauvais match, là. D'ailleurs, c'est peut-être. Un bon aspect de ce côté-là parce que, bon, C'était plus mobile, ça allait plus vite avec Sheamus qui donne un peu ce rythme-là à ce match-là, mais c'était pas mauvais, sauf que c'est un strap match et pour moi, ça peut jamais être hyper bon un strap match. Tu as toujours ces limitations de toucher les quatre coins et d'avoir les deux mecs hyper proches, donc c'était correct, mais c'était pas. Sur l'histoire de la longueur du strap, est-ce qu'ils n'ont pas voulu plutôt se démarquer de la stipulation qui ressemble? C'est quoi le dog collar? Je crois qu'il y en a eu quelques-uns aussi. Parce que là, ils sont vraiment beaucoup plus rapprochés, alors qu'avec le strap, bon, ça laisse une petite marge de manœuvre en laissant 2-3 mètres d'élastique, nous permet de faire des prises qui sont quand même, somme toute, correctes. Ben ouais, non, mais ça va pouvoir devenir le spécialiste. Ah non, mais d'habitude, c'est une stipulation que j'aime pas. Hein. Ça, entre. Bon, la stipulation que je déteste le plus, c'est la I quit. Voilà, il y en a eu un après. Mais puis les Last Man Standing, j'aime pas trop ça. Mais vraiment, là, je trouvais pour un strap match. Oh, c'est pas le 5 étoiles des strap match, mais quand même pas loin. En parlant d'ailleurs de ce type pourri, on aura un ambulance match au prochain pay-per-view. Donc, ils nous sortent les types pourris dans ce moment. Oui, c'est une fois par année environ, c'est stipulé comme ça qu'ils sortent. Quoique le strap match, c'est vrai, ça faisait 3 ans, ça c'est rare ça. Mais... Donc, s'il n'y a rien à rajouter, on peut passer à la suite. Bon, on va passer à la suite avec un match qui n'était pas initialement programmé, qui a dû composer avec la blessure de Dolph Ziggler qui a une commotion cérébrale. Et donc, le ladder match qui était prévu n'a pas eu lieu à laisser la place à un I Quit match, donc qui désignait finalement le prochain challenger au titre poids lourd de Dolph Ziggler, qui opposait Alberto Del Rio à Jack Swagger. Ouais, je ne le fais pas très bien, je sais. Ouais, pas mal. Pas. Et après 11 minutes 22 et une petite review vidéo, Del Rio a fait dire I Quit à Jack Swagger. Donc, en fan de Del Rio, Renaud, tu penses quoi? Bon, je rejoins Cyberpa sur la stipulation. Je suis pas spécialement fan des I Quit Match. Je trouve que à chaque prise, en fait, tu as l'arbitre qui va demander ce que tu abandonnes. Donc, I Quit, no, no. On le sait en plus que le mec va pas abandonner. Je pense que le pire I Quit Match que j'ai vu, c'est peut-être Bret Hart contre Bob Backlund avec Roddy Piper qui faisait que demander, pas en termes de qualité de match, mais c'était super chiant en fait à suivre par rapport à Bob Backlund, par rapport, excusez-moi, à Roddy Piper qui faisait que demander si les catcheurs voulaient abandonner. Sur ce match-là. Et il n'y avait pas le point commun aussi de la serviette. Eh oui, bien sûr. Ouais, pareil. Ouais. Mais sur ce match-là, moi déjà j'ai été super déçu de leur affrontement à WrestleMania 29. Entre les deux. J'ai été super déçu de ce qui est arrivé à Dolph Ziggler, mais bon, ça, on peut rien y faire, c'est comme ça. Parce que le match, je l'attendais vraiment. Le Triple Threat Ladder Match, je pense qu'il aurait pu voler clairement le show. Mais on se retrouve donc avec ce Swagger Del Rio. Il s'était affronté à SmackDown, ça avait donné un très bon match. Là, je l'avais trouvé vraiment très bon. Là, bon, c'était un bon match. C'est deux bons catcheurs hein, quand ils travaillent bien ensemble, mais cette stipu, j'ai du mal. Donc, je dirais que c'est un bon match. Pas le meilleur I Quit que j'ai vu, pas le pire. Et cette fin m'ennuie beaucoup, mais cette fin, en fait, c'est pour, encore une fois, nous mener à un triple threat, peut-être au prochain pay-per-view, puisque il y a d'abord le coup de la serviette avec Ricardo Rodriguez, ça fait que Swagger gagne le match. Finalement, l'arbitre regarde sur l'écran, alors ça, c'est totalement nouveau, ça sort de nulle part, un arbitre qui regarde sur un écran. Et derrière, c'est Del Rio qui gagne le match. Ça fait que là, bientôt, on aura Swagger qui va dire « j'ai gagné », Del Rio va dire « j'ai gagné », ça va finir en triple threat match avec Ziggler qui va remettre sa ceinture pour le prochain pay-per-view. Donc la WWE a trouvé ce système-là pour finalement nous proposer ce fameux triple threat qui arrivera plus tard. Bon, après tout, pourquoi pas, mais voilà. Le match en lui-même, pas mauvais, pas le meilleur I-Quit que j'ai vu, mais ouais, assez déçu quand même dans l'ensemble aussi. Moi, je trouvais que le public était pas super chaud pour ce match, comme à WrestleMania en fait. Alors, c'est peut-être que mon avis, mais je trouvais que le public ne rentre pas dans le match. Peut-être que c'est le personnage de Swagger qui est trop classique. Si c'est Del Rio en face, que ça marche pas, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était pas. Moi, je pense que c'est une combinaison des deux. Les deux marchent pas. T'as Swagger, aussi, ouais. Son intern s'est soufflé en une semaine. T'as Del Rio qui a été le pire Feston en 10 ans, je pense. Donc, t'as les deux personnages qui marchent pas. Je pense aussi, ouais. Puis en plus, jusqu'à WrestleMania, il n'y avait pas beaucoup de segments entre deux. Ils ont mis un petit peu des matchs avec Colter, Ricardo et Nexton depuis. Mais c'est vraiment pas terrible, quoi. Et puis au niveau de Like Quit, je trouve que c'est une type complètement... Enfin, C'est un peu comme le strap match, quoi. Ça dépend comment c'est foutu. Là, si l'arbitre demande à chaque soumission s'il abandonne, ça devient un peu saoulant, quoi. Ah Et puis ouais. la fin aussi avec la serviette. Mais qu'est-ce que ça a chier, quoi. Del Rio, depuis qu'il est face, il a le syndrome Cena. Il sort deux prises, il gagne, quoi. Alors ça m'énerve, ça aussi ça m'énerve. Donc non, j'ai pas trop apprécié le match, même si il est correct. D'ailleurs, je sais que le thème du pay-per-view, c'est d'avoir des matchs extrêmes. Puis je comprends d'avoir mis un quit, mais ça aurait pas été mieux d'avoir mis un submission match entre les deux, parce que deux techniciens quand même qui auraient pu donner un excellent match pur de lutte, quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord, Moi, je te mais rejoins, moi. sachant que tu remplaces un match de l'échelle, il fallait quand même une stipulation forte. Alors peut-être qu'une submission match, c'était pas forcément le remplaçant idéal. Ouais, c'est ça, c'est pas le bon pay-per-view pour la soumission, mais c'est vrai que ça aurait pu donner un bon match, Swagger Del Rio en soumission, ouais, je te rejoins totalement. Peut-être aussi que ça a arrangé la W2 au niveau de la fin pour continuer à Bien faire un sûr. triple threat pour Bien sûr. Ziggler. D'ailleurs, en plus avec ce triple threat, je suis un peu sceptique parce que là, on a eu Langston qui a battu Del Rio, qui est pourtant le number one contender. Je sais pas trop, est-ce que Langston va aller au titre lui aussi? Est-ce qu'on pourrait en voir Langston qui se retournera contre Ziggler dans un futur proche, vous pensez? Ah, c'est Ah non. inévitable pour moi. Ah non, merci. Inévitable. Hein. Il a déjà Ah, son titre à NXT, c'est bon. pour moi, il est totalement dévoué à Ziggler pour l'instant. Hein. Il Parce que travaille là, vraiment pour Ziggler. on l'a clairement placé dans un spot de numéro 1, quoi. Number one contender, parce qu'il a battu Del Rio. Puis d'habitude, quand tu bats le number one contender, je sais pas, en tout cas, il y a sûrement quelque chose qui va arriver de ça. Puis en plus, c'est une situation à ma tante parce que t'as pas encore. On sait pas quand Ziggler va revenir, donc. Je sais pas si on remet pour le titre à Payback ou non, donc on est un peu dans une situation floue pour ce match-là, mais c'est quand même pas un mauvais match, sauf que justement, comme Vincent en a parlé, les deux personnages sont pas vraiment fun à suivre en ce moment, sont ennuyants, donc la foule suivait pas, puis ça se finish là que Renaud parlait qu'il vient de nulle part, donc c'était un peu. C'est ces trucs-là qui me retirent le plaisir de regarder ce match-là. Puis c'est pas un mauvais match en tant que tel, mais c'était pas un grand match non plus. Puis il y a toujours ce facteur de high quit qui est pas super plaisant non plus. Donc c'est un match moyen après ce strap match. Donc deux matchs de suite qui sont moins bons, mais bon. C'est pas mal ça. Après un départ fulgurant, c'est une suite un peu moins bonne. Mais moi, je voulais juste revenir sur l'épisode de la serviette. Enfin, est-ce que j'étais le seul à être choqué du fait que l'arbitre disqualifie Rodriguez parce qu'il jette une serviette sur son adversaire alors que tout au long du Non, match, c'est il y a pas ça, c'est pas l'utilisation ça. Non, d'objets? non, moi j'allais y Excuse-moi. revenir aussi, mais pourquoi? Le mec, normalement, c'est un match à règles extrêmes. T'as pas de disqualification, t'as rien. Le mec, il balance une serviette, il est disqualifié. C'est Non, mais quoi le bordel? c'est pas une Mais disqualification. c'est pas une C'est quand disqualification, tu même, jettes la gars. serviette. Quand tu jettes la serviette, ça veut Quand dire que tu t'as jettes la mangé. serviette, t'as Ah l'abandon. ouais, Oh! d'accord. Comme à la boxe Boxe, où ouais. Ah Ah fallait ouais, interpréter ah le ouais, geste. Il avait fallait. déjà fait Oui, enfin, tu sais, il y a des années de ça, ils l'ont déjà fait le coup. Donc là, mais j'ai senti, personnellement, hein, c'est pas pour faire genre, mais je l'ai senti venir, mais très très loin ce Ah coup-là. ouais, Justement, ça me d'accord, rappelle quand sur le coup, j'ai pas du tout un réalisé, moi. face qui pas, il quitte à la WWE. Un face Ouais, ne quitte pas. Bret Hart avait perdu comme ça, on en parlait. Exactement. C'est vraiment une stipulation faite pour les heels. Faites pour les face qui gagnent un heal, c'est ça que je veux dire. Parce qu'un face dit I quit, bon, ça le fait pas trop, un heal à la limite, c'est un lâche, bon, au final, il dit I quit. Mais le face, il dit pas I quit. Donc, en fait, pour faire abandonner Alberto Del Rio, la WWE a trouvé l'idée de faire balancer la serviette à Ah, mais Ricardo ouais, Rodriguez. Ça, d'accord. voilà. Comme dit MP, c'est vraiment un vieux truc de vintage, le coup de la serviette. Ah oui. C'est vrai que oui, c'est old school. Non, mais heureusement quand même que Wrestle Radio existe parce que moi j'avais toujours pas compris que c'était un abandon sur le coup de la serviette. Je croyais que Ah, moi c'était une non plus. disqualification, moi. Non plus. Idem. Donc, on apprend des choses. oui, c'est utile. Non, mais c'est vrai que pour revenir quand même à Swagger Del Rio, heureusement que Swagger est avec Zeb Colter parce que sinon son personnage il aurait déjà piqué du nez depuis un moment. Parce que son petit speech au début il est quand même bien sympa à Colter. Ouais, il me plaît bien, je trouve qu'au niveau. Vraiment, pour un personnage qui revient, parce que je sais pas s'il a été manager avant dans les années 90, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment un personnage qui marque, et même physiquement, même avec son phrasé, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, et heureusement que Swagger là, parce que bon, sur un ring, sa gimmick de patriote, elle est pas parfaite, parfaite. Là, on l'a vu contre Del Rio, c'est un peu étonnant quand même, parce qu'on aurait pu mettre, oui, comme vous le disiez tout à l'heure, mettre Swagger en face et Del Rio en heel, mais bon, on voit quand même que Del Rio, ils veulent le mettre face, mais vraiment, ils font tout pour l'envoyer face, donc c'est vraiment une volonté claire de la WWE de le construire comme le prochain Latino qui peut porter la compagnie. En tout cas, moi, je voudrais dire, j'espère que Michel Platini n'a pas regardé ce show. Parce que la vidéo, il n'aurait pas apprécié. Honnêtement, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais est-ce qu'ils vont l'utiliser à chaque match ou quoi? Parce que maintenant, je trouve ça pas très très crédible. Parce que si à chaque intervention, tu as un arbitre qui arrive pour dire qu'il a vu ça et qu'il utilise la vidéo, c'est il y aura plus de match qui va être gagné par tricherie, il y aura plus rien, quoi. On va plus s'en sortir. Bah c'est ça, je comprends pas pourquoi l'utilisation du truc en fait. En fait, on Ah veut oui, tous bah se c'est faire en. quatre. Bah oui, totalement. Mais c'est pour nous mener au triple threat match, les gars. Ça va s'arrêter là. La WWE se prend plus la tête après. Elle oublie des trucs, hein. Vous en souvenez du général manager par l'ordi là? Quand Michael Cole il venait toujours parler I quit. I quit. Ah oui, c'est I sans coach. Swaggle, ils ont réussi à finir. Ils ont fini ça à la fin avec Hornswoggle, mais bon, ils avaient abandonné l'idée. Ils savaient même pas de toute façon où ils allaient arriver avec ce truc-là. Moi, j'en suis sûr qu'ils vont même plus en reparler de ce coup de la vidéo. J'en suis Ah, persuadé. mais le truc, c'est qu'après, les spectateurs, eux, s'en souviennent. C'est ça le truc. C'est ça le truc, exactement. Ben ouais, mais bon, enfin. Mais attendant, le match pourrait être sympa. Oui, aussi, je suis assez d'accord dans l'ensemble, même si il n'est pas vraiment énorme et très simple. Et puis pareil, la fin, bah, moi, j'ai pas trop aimé. Bah, surtout que, un peu comme Renaud, bah, je me souvenais de l'épisode bah, de Bret Hart et Bob Backlund. Forcément, bah, j'ai trouvé exactement pareil, quoi. C'était du copiage. Et voilà, bon, c'était un peu simplé, et puis ouais, je m'attendais à ce qu'aucun des deux gagne, donc bah, je suis aussi les idées que bah, c'est pas fini, et puis qu'ils vont l'avoir, leur triple ladder match, évidemment, à Payback, si Ziggler est remis, ou alors après, c'est Money in the Bank, non, qui a après. Je crois que c'est Money in the Bank qui arrive après, ouais. Donc voilà, bon, on verra bien, mais ouais, c'est vrai que, bon, Ça reste à voir parce que c'est vrai que les affrontements entre les deux sont pas hyper enthousiasmants, ça c'est un peu décevant. Mais bon. Ça a trouvé que c'était sympa, mais que ça ressemblait davantage à un match soumission plus qu'à un quick match justement à toutes les soumissions qu'il y a eu. Et bah, qui trouve dommage l'absence de Dolph Ziggler, qu'un ladder match aurait été mieux. Bah, bon, ça c'est les blessures. Hein. Donc bah, si personne je vous a rajouté, bah, on peut passer à la suite. Moi, j'ai juste une petite chose pour rejoindre Verpa sur le fait qu'ils veulent mettre Del Rio en face parce qu'il est mexicain et que ça pourrait porter pour le marché. Mais enfin, en même temps, c'est un peu logique qu'il le push parce qu'entre Rey Mysterio qui est blessé et Sin Cara qui arrive toujours pas à percer avec ses blessures et ses suspensions, faut bien le mexicain quoi, parce que sinon ça va être un petit peu. Le marché mexicain va être un petit peu en berne quoi. Ouais, mais Sin Cara, il pourrait encore là depuis son retour parce qu'apparemment il est revenu à Main Event. Alors ça aussi c'est pourri ça. C'est dire la confiance qu'on a en lui et à côté Del Rio on le book comme pas possible comme un face et de l'autre côté on fait un retour de Sin Cara à Main Event. Donc oui là aussi il y a comme un petit problème. Mais d'un autre côté Sin Cara on peut toujours l'envoyer comme face dans les prochaines semaines et je serais pas étonné même que Sin Cara prenne entre guillemets la place de Del Rio qui lui est quand même bien accroché dans le haut du panier, parce que Del Rio, autant il, bon bah, il est tout à fait crédible et il est bon, mais alors, au contraire de Sin Cara, je pense que Sin Cara en heel, c'est même pas réalisable, c'est comme Mysterio, c'est un personnage intenable. Et de toute façon, Sin Cara, enfin, je sais pas si je peux spoiler, mais il combat à SmackDown cette semaine. Et c'est encore une défaite, quoi. Et en plus, pas contre un main eventer. Et ouais. Ça nous manquait là, le retour du point Sin Cara du jour. Ah oui, c'est une de nos emblèmes, mine de rien. Hein. On va passer à la suite avec match par équipe. Pour les titres par équipe, c'était donc entre la team Elno, composée de Daniel Bryan et Kane, les champions depuis bah, pas mal de mois, qui affrontaient l'autre partie de The Shield, Roman Reigns et Seth Rollins, dans un tournoi de tag team match. C'est-à-dire que il n'y avait pas les règles strictes du match par équipe, pas de tag, tous les participants pouvaient être en même temps sur le ring sans souci. Et à ce jeu-là, c'est Roman Reigns et Seth Rollins qui ont gagné en 7 minutes 24 et qui sont donc les nouveaux champions par équipe. Et donc The Shield sort victorieuse du pay-per-view finalement, avec les trois ceintures, 22 par équipe et le titre des États-Unis donc qu'ils étaient venus chercher. Et je vais passer la parole à Verpa. Ouais, ben, bon petit match, hein. J'étais surpris parce que bon, déjà le Tornado c'est déjà bien, c'est une stipulation quand même pratique hein. Par rapport à un bon vieux tag match, ça permet de donner du lien, ça permet de donner de la rapidité, ça permet de construire quelque chose de plus vivant. Et bon, face à Elno, bon évidemment qu'il y a une équipe maintenant quand même rodée, hein. Elno, sûrement qui sera encore équipe de l'année 2013. Mais oui, Daniel Bryan et Kane ont quand même bien réussi à mettre en valeur Roman Reigns et Seth Rollins, et ont critiqué quand même souvent Roman Reigns. Mais là, dans ce match-là encore, il arrive à tout à fait être crédible dans le ring. Donc vraiment, The Shield, on leur donne des possibilités, mais un peu comme Nexus, ils les prennent. Et à la différence, c'est que pour l'instant, Roman Reigns, il est encore présenté comme un destructeur, et c'est ce qui manquait un peu à la Nexus, ou à The Core dans les derniers runs. Donc de ce côté-là, avoir un groupe heal plutôt réduit, plutôt bien booké, et qui arrive à prendre position et à se satisfaire du temps d'antenne qu'on lui donne, c'est vraiment extrêmement positif. Et là, le match, il est court, 7 minutes, mais c'est rapide, c'est vivant. Donc on arrive à un très bel affrontement, je pense, entre Reigns et Rollins et Bryan et Kane de l'autre. Bon, par contre, ça a sûrement signifié la dislocation de la team Bryan Kane à Payback. Donc on peut déjà, peut-être, en partant très loin, en imaginant pour les prochains mois, un affrontement Daniel Bryan contre Kane à SummerSlam. Bah, j'espère que tu auras raison parce que je pense que Team Elno aurait dû perdre les ceintures depuis plusieurs mois déjà. Donc c'est arrivé ce soir-là à Extreme Rules et c'est contre le Shield. Et donc je suis quand même content parce que le Shield mérite amplement les ceintures. C'est un très bon groupe. Je reste quand même un peu déçu de ne pas savoir quel est véritablement l'objectif du Shield. Ce groupe avance depuis des semaines, mais on ne voit pas vraiment leur réelle motivation, à part la pseudo-justice qu'ils voudraient faire régner. Mais je pense que ça renouvelle un petit peu le groupe, le fait d'avoir chaque membre une ceinture, donc c'est du positif pour la suite. Ben, leur but au moins est plus clair que par exemple les Aces and Eights qui ne sont pas très bien mis en valeur à la TNA. Au moins la WWE a très bien booké de Shield jusqu'à maintenant. C'est déjà ça. Et concernant la mainmise de The Shield, Renault, bah, tu la trouves bonne ou enfin, logique dans ce pay-per-view? En tout cas, oui, totalement logique et totalement attendu. Pour moi, c'était une certitude en leur donnant des matchs pour les ceintures, que ce soit pour Dean Ambrose ou ses deux potes. C'était sûr pour moi qu'ils seraient champions à la fin du pay-per-view. J'en suis très content. Mais c'est vrai que je trouve que l'objectif, pour moi, il est pas super clair, quoi. On les fait affronter des top main eventers chaque pay-per-view ou à chaque show. Ils gagnent leur match. Je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter pour eux, la première défaite. Est-ce qu'ils vont avoir une première défaite? Oui, ça va arriver, je ne sais pas quand, mais c'est pas très clair. Autant la NWO, c'était clair. Ils voulaient dominer la WCW totalement. C'était très clair dans les discours de Hollywood Hogan à l'époque. Mais là, je compare parce que ça m'a fait vraiment penser en 96, quand Hogan devient champion du monde. Bon, lui, il était devenu champion du monde, le titre. Et Scott Hall et Nash, il était devenu champion par équipe. Ça m'a fait un peu penser à ça ce soir-là, même si c'est vrai que bon, le titre US est 1000 fois moins important que le titre de champion du monde, mais je sais pas vraiment où ils veulent en venir avec le Shield. Je suis totalement fan de leur travail dans le ring. Là encore, ce match Tornado était, comme a dit Verpa, il était quand même super sympa niveau rythme. Ça a bien enchaîné, c'était très agréable à regarder. Donc vraiment content pour le Shield. J'attends de voir pour Kane et Bryan, et on verra par la suite. Tifo? Ouais, j'ai bien kiffé ce match. C'est dommage qu'il ait duré 7 minutes, c'est ça? Oui, Ouais, c'est 7 ça. minutes. Bah, après, je dis que c'est dommage. Je sais pas, parce que pendant 7 minutes, le rythme était vraiment énorme. Il n'y a pas eu un moment sans action. Donc, ce qui a vraiment donné un très très bon match, malgré les 7 minutes, je me répète. Mais vraiment très bon match. The Shield in Ring, c'est quand même très très bon. J'ai jamais vu un match ennuyeux du Shield. C'est un truc de fou. Les mecs peuvent te vendre tout. Même C'est clair. Roman Reigns, honnêtement, quand il a débarqué avec The Shield, je le connaissais pas du tout. Et puis j'entendais vos avis qui disaient de lui, ouais, In Ring, c'est quand même pas terrible. C'est le maillon faible du groupe. C'est ce que vous disiez, hein, clairement. Et au final, bah, pour moi, c'est une révélation. C'est un monstre. Pour moi, ce qu'il fait dans le ring, c'est très bon. Il y a rien à acheter. Et à côté, il y a Seth Rollins qui est un génie dans le ring également, qui le complémente bien. Donc, franchement, c'est vraiment terrible. The Shield, maintenant, je ne sais pas du tout qui va pouvoir les battre, quoi. Ils ont quand même battu Kane, Bryan, Cena, Undertaker. Honnêtement, celui qui viendra à les battre pour la première fois, j'attends vraiment de savoir qui c'est, quoi. Ah ouais, il reste vraiment plus grand monde parce que là, en comptabilisant, c'est vrai que niveau main eventer et tout, là, C'est impressionnant. à part certains heels, à part CM Punk, Dolph Ziggler, Alberto Del Rio, Jack Swagger, je vois personne d'autre qui a été battu par. Enfin, personne d'autre qui n'a pas été battu par eux, quoi. Il reste une possibilité toute simple, qui est quand même Marc Henry aussi. utilisée pas mal de fois, c'est tout Ah oui, Marc. simplement de provoquer des tensions dans l'équipe. Et donc le jour où ils voudront s'en débarrasser, on va sortir avec un Rollins contre Ambrose. Parce que à force, s'ils ont battu tout le monde, on va pas pouvoir leur trouver quelqu'un d'autre en face, on va pas leur mettre Lesnar. On va pas leur mettre Triple H. Et Donc officiellement, ils ne sont plus invaincus. Hein. Je vous rappelle qu'ils avaient perdu un match à élimination à Raw il y a quelques semaines contre Non, John non. Cena, En fait, Daniel la Bryan et particularité, Kane. c'est que c'était par disqualification. Donc, officiellement, ils n'ont toujours pas connu la défaite. Oui, la Quand c'est défaite par par tombée, Seth. Défaite disqualification. par disqualification. Voilà. Moi, je voulais dire la défaite vraiment par tombée, quoi. Qu'on rive les épaules Oui, au voilà. sol du Shield. À part Mais là, soumission. c'est vrai. Bah non, mais parce que les mecs, ils ont quand même battu l'Undertaker. Alors, si tu mets Swagger Del Rio qui gagne contre le Shield, c'est pas crédible du tout. Parce que l'Undertaker, quand même, aller battre l'Undertaker en équipe avec Bryan et Kane, c'est quand même très très fort. D'ailleurs, Donc. on peut penser qu'on s'en va vers là avec le Shield, confrontation Shield contre Taker, Kane, peut-être Daniel Bryan si la team tient jusque-là, ou sinon peut-être Taker avec un versus un contre peut-être Dean Ambrose ou un truc du genre, parce que je pense que Taker va vouloir prendre sa revanche un jour. Pourquoi pas le Big Show? Et le Big Show, il a été aussi dans les teams. Il a Bah lui, il perdu a hein, déjà été contre battu par The Shield. WrestleMania 29, il était là avec Orton et Sheamus, par exemple. Bah, c'est Certains. ça, puis même, je sais pas, franchement, faut quelqu'un au-dessus de l'Undertaker pour moi. Le Big Show, c'est quand même bien en dessous de l'Undertaker. Ouais, mais quelqu'un au-dessus d'Undertaker, on va trouver qui maintenant? C'est ça Bah aussi la c'est question. ça, justement. Donc pour moi, je suis vraiment curieux de savoir qui va pouvoir mettre un terme à la domination du Shield. En tout cas, ça prouve l'importance du groupe et la Oh confiance bah là, oui, énorme. c'est clair, c'est clair. La confiance énorme, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un mauvais match, quoi. Il n'y a pas un mauvais match du Shield. On se régale à chaque fois qu'ils Ah, sont moi, dans le je me ring. C'est régale à chaque fois, particulier, quand même. vraiment, ouais, c'est clair. Il y a Ah du ouais. rythme à chaque fois, Il y a vraiment. du rythme D'ailleurs, dans les prises. Ils sont très bons, même pour prendre les prises aussi, pour les vendre. Ils sont super, les mecs. Ils sont super investis. C'est super. le lendemain, à Raw, on avait un match de 22 minutes Ouais, entre les exactement, ouais. six. Et il était Ça, vraiment très bon ce match. Très, très on bon. voit qu'il leur donne du temps dans leur match à Raw. D'ailleurs, le match avec Taker, Kane et Daniel Bryan aussi avait été très long. Donc, je pense que, comme vous l'avez dit, c'est une énorme confiance parce que leur laisser tant de temps d'antenne et des matchs importants en pay-per-view avec des prises de titre, on voit que la confiance est là. Ça ne manque pas, en tout cas. Non, et puis le truc, c'est que c'est les matchs, ils se ressemblent pas, quoi. Ils arrivent toujours à innover un peu, trouver de nouvelles prises. Enfin, comme là, la fin du match à Extreme Rules, le finish est très très bon aussi sur Bryan. Donc c'est vraiment super, j'adore. Après, je me demande aussi, enfin, au niveau des équipes, il n'y a personne en face. Il y a les Usos et c'est tout. Non mais quand tu vois la gueule des équipes, ils peuvent même faire un face turn au prime time player, il n'y aurait pas le niveau. Donc en équipe, en fait, les équipes de deux sont moins fortes qu'un champion simple tout seul. Donc a Oui, mais priori. Vincent, ils vont peut-être associer des mecs ensemble. Regarde Team Elno, qui aurait pensé un jour que Kane et Daniel Bryan seraient associés, quoi? C'est Qui aurait clair. pensé ça un jour? Ils vont peut-être déjà Team Elno, ils vont avoir leur match retour, peut-être au prochain pay-per-view, donc ça fera passer. Sur un match retour, match revanche, mais ils peuvent très bien encore associer des mecs, mais c'est le vrai problème de la WWE. Elle fait plus confiance aux équipes de gars associés qui ont une carrière individuelle que des vrais teams à la base, par le Shield, bon, c'est particulier, mais sinon, c'est ça le problème. Donc peut-être qu'ils vont prendre deux mecs assez over pour faire une feud face au Shield. Hein. De toute façon, le Shield, ils ont affronté que des associations depuis le début. Hein. Ouais, c'est vrai, tout le temps, c'était du 3 par 3, ouais. Exactement, ouais. C'était plus des trucs de circonstances et pas vraiment des ensembles homogènes. Donc, Tout à ouais, fait. Bah, s'ils affrontent par exemple les trois gars de Paul Heyman un jour, ça serait marrant ça. Ah, là, je dis pas, ouais, c'est clair. Ah, ça serait un gros choc. Bah, pour moi, le match, c'était un match, le match du pay-per-view sans problème, de toute façon, enfin, sans problème, je veux dire. C'était le match du pay-per-view qui avait un gros rythme avec ce genre de stipu qui est surtout utilisé sur circuit indépendant. Match par équipe fonctionne rarement à la règle du tag pur sur circuit indépendant, donc. Là, j'ai trouvé bien, ça donnait beaucoup de rythme, mais c'est vrai que Roman Reigns, ben, comme tu disais, Tifo, c'est vrai que j'étais le premier ouais, à émettre les doutes, mais c'est vrai que avec ce genre de gars là, comme ça, qui ne peuvent pas s'imposer comme ça en solo, enfin débarquer comme ça en solo fort, il vaut mieux les faire débuter comme ça par équipe et il saisit vraiment la balle au bon, quoi. Enfin, ça marche très bien, même si dernièrement là il y a des rumeurs qui paraît qu'il s'est blessé lors des enregistrements de SmackDown, donc c'est à suivre, mais j'espère que ça va pas stopper un momentum quoi qu'ils ont pas mal pris. Et Gus pense que le combat était un peu trop court, qu'il aurait pu durer au moins 10 minutes, mais que ça rappelle le finish rappelle la grande époque des années 90 avec certaines équipes. Et lui prédit ben, comme MP, à peu près je crois, qu'à Payback, Kane affrontera Daniel Bryan parce qu'il y aura un turn de Bryan, possiblement, qui irait ensuite vers un des deux gros titres. Voilà. Donc. D'ailleurs, pour la durée courte, je pense qu'on peut l'expliquer par les deux gros matchs qui ont pris beaucoup de temps. D'ailleurs, on va en parler plus tard, mais les deux gros main events quand même sont assez longs. Je vais regarder. Je te regarde sur la fiche que Vincent a préparée. C'est 20 minutes pour le récent Triple H. Puis tu as aussi le Last Man Standing, 23 minutes, plus l'après-match. Donc, c'était des assez longs matchs qui ont coupé beaucoup la durée des matchs de mid-card qu'on regarde. T'as pas des matchs beaucoup plus longs que 10 minutes parce qu'on avait ces deux gros matchs-là qui ont pris la bonne dernière heure du pay-per-view, sinon plus, quoi. Et oui, et puis les deux matchs les plus courts à l'arrivée, c'était les deux matchs qui ont concerné The Shield. Donc, ça rend vraiment leur statut beaucoup plus fort parce que bah, à l'arrivée, même ils gagnent dans les matchs les deux matchs les plus courts, c'est-à-dire les plus expéditifs. Donc ça leur rend encore plus fort, je dirais. Ouais. Donc s'il n'y a rien à rajouter, on peut passer à l'extrême, je dirais, même si je dirais différemment, mais bon, on verra. Ah ouais. L'Extreme Rules match entre local Randy Orton et le Big Show, avec une victoire de Randy Orton au bout de 12 minutes 57 par tombée après le pump kick. Ouais, personnellement, moi je pense que c'était pas vraiment une Extreme Rules match, mais ça peut pas l'être de nos jours à la WWE, à part avec Brock Lesnar comme le dit Gus. Parce que sinon, maintenant, toutes les autres personnalités, même si Orton, il a quand même été habitué avant à faire des Extreme Rules match, bah, ils n'en font plus maintenant. Donc à l'arrivée, bah, ça utilise peu d'objets et puis bah, surtout assez simple, quoi. Il y a une chaise, une échelle et puis voilà. Enfin, c'était assez simple, quoi. Il n'y a pas eu grand chose. Donc à l'arrivée, bon voilà, c'était plus une démonstration d'Orton qui lui aussi, dans le genre tourné en rond, chaque fois, on prédit son turn, mais là, il n'était pas prêt d'arriver. Vu qu'il était local, il fallait faire gagner et puis ressortir fort face au Big Show. Moi, ce qui me dérange, c'est que bah, il est sorti moyennement fort à l'arrivée parce que Big Show, il s'est quand même relevé après le pump kick. Donc, il n'est pas resté étendu. Donc, ça termine rien au bout du compte. Je sais pas ce que tu en penses, Vincent. Moi, ce qui m'a énervé, c'est surtout le fait qu'il se relève après le RKO sur la chaise. Parce que un RKO, c'est déjà prise assez puissante et efficace normalement. Donc, un RKO sur une chaise, ça doit être encore plus. Alors qu'on mette deux RKO, dont un sur une chaise, plus un point click. Bon, je sais bien que le Big Show a une grosse tête, mais ça fait un peu beaucoup, quoi. Mais sinon, après, c'est sûr que ça peut être un match très extrême en même temps. La WWE en mode PG, en mode tout public, on peut pas s'attendre non plus à des trucs de fou. Mais sinon, le Big Show a pas fait grand chose, je trouve. Son choc slam, la deuxième corde était pas mal. Sinon, ouais, c'est un match correct, mais c'est vrai que enfin, l'overbooking m'a un peu énervé. Tifo. J'ai pas vu ce match parce que ça m'a pas emballé du tout en fait. Big Show Orton, honnêtement, rien que d'y penser, ça Ah m'ennuie. oui. Oh, ben comme Gus, la pause pipi alors. Il n'y avait pas de match diva, donc il fallait se rattraper sur Non, le mais match. honnêtement, je sais pas, il était bon le match ou pas? Classique. Ouais. Ouais, moi, des Big Show Orton que j'ai vus, je le mets dans le haut du panier des Big Show Orton. Donc je précise bien quand même des Big Show Orton, c'est-à-dire que j'en attends pas grand-chose, mais au final, oh, c'était assez sympa. Grosse ambiance quand même sur ce match-là, la foule, tous derrière Randy Orton, c'est logique, on est à Saint-Louis. Déroulement du match, ça m'a emballé, ils ont livré la marchandise. De toute façon, c'est maintenant le Extreme à la WWE, c'est PG. Alors PG, faut plus s'attendre à du sang. J'avais bon espoir par rapport au Lesnar Triple H de WrestleMania. Je me suis dit, avec ces deux-là, on va peut-être avoir un peu de sang ou quelque chose, parce que Lesnar, c'est un bourrin, avec Triple H, il fait ce qu'il veut, c'est sa fédération, hein, on peut le dire pratiquement. Mais il n'y en a pas eu, donc sur ce match-là, il n'y en a pas, quoi. C'est vrai que. Le mot extreme, ferait mieux de changer quand même le nom du pay-per-view, on a envie de dire, parce que bon, c'est de l'extreme rules familial. Mais sinon, le match en lui-même, il est franchement pas mauvais. Hein. J'ai pas trouvé les gars que c'était. Bon, c'était pas mauvais, c'était assez sympa à suivre. Moi, ça m'a pas tellement dérangé le RKO par rapport à ce qu'il disait Vincent tout à l'heure. Au contraire, ça fait aussi un peu de suspense, parce que si à chaque fois c'est prédit que sur le RKO il se dégage, c'est vrai qu'il y a la chaise, je suis d'accord. Il y a la chaise. Mais bon, ça change un peu, puis. Orton qui nous ressort le coup de pied, je sais plus la dernière fois qu'il a porté son coup de pied, ça doit remonter parce que la WWE avait arrêté avec le coup de pied. C'était banni, c'était interdit parce qu'ils avaient peur par rapport aux commotions cérébrales. Donc à chaque fois qu'il portait, c'était soit esquivé, soit contré. Là, il a porté. Donc ouais, ça change un peu. Bon petit combat, bon petit combat. Pour moi, peut-être le meilleur Big Show Orton que j'ai vu dans ma carrière de fan de catch. Je crois que le dernier Punk King, ça date de la fois où il a envoyé, entre guillemets, Jericho en vacances à la retraite. Donc, je crois Ok. que c'était 2010, non? Ça doit être ça, ouais. C'est possible, ouais. Dans un Raw où il avait défoncé la tête. D'accord, ok. Ouais, moi, je dirais que ce match entre Orton et Big Show, il est totalement à l'image de la soirée, c'est-à-dire que c'est de la bonne action, mais il n'y a rien d'extraordinaire dans ce match-là. C'est clair qu'on s'ennuie pas pendant l'affrontement, mais bon, la rivalité n'était pas la plus intéressante de la carte, donc j'avais pas un intérêt exceptionnel dans ce match-là. Ça fait plaisir à la foule, c'est le héros local qui gagne, tant mieux pour lui. Après, j'espère que le pun kick sera le début du turn en heel qu'on attend depuis des mois maintenant. Et je pense que c'est vraiment un premier pas dans cette direction qui a été pris avec l'utilisation de cette manœuvre. D'ailleurs, vous pouvez aussi voir que Orton est dans le clip promotionnel du prochain pay-per-view qui s'appelle Payback. Et c'est un clip qui est très bien fait, je trouve. Et on attend de voir ce que ça donnera. Eh oui, bah oui, c'est curieux parce que c'est vrai que. Mais c'est un paradoxe parce que le gars qui fait souvent l'affiche, c'est pas non plus celui qui fait réellement l'affiche dans le pay-per-view. Donc là, c'était Sheamus. Bon, en général, le gars il gagne quand même, mais bon, il a pas un grand rôle dans le pay-per-view, donc c'est à Ouais, non, voir. ça c'est vrai, bon, des fois oui, des fois l'affiche, le mec est clairement mis en avant, mais des fois c'est vrai que ça n'a rien à voir. Moi je m'en souviens de Vengeance 2001 où t'as Triple H, Vengeance 2001, t'as Triple H qui est en pochette du pay-per-view, qui fait l'affiche, il était même pas là au pay-per-view. Hein. Donc ouais, mais non, mais c'est sûr qu'il y a des paradoxes comme ça particuliers. De toute façon, les affiches, ça se décide un peu. Je sais pas comment ça se décide en fait. C'est ça le truc. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu les mêmes personnages récurrents, donc peu importe leur utilisation. Ouais. Donc je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. Hein. Bon. Avec un match Aussi. pour le titre de la WWE, donc Last Man Standing Match entre John Cena et Ryback, un match qui a duré 23 minutes et qui a abouti sans décision. Paradoxalement, dans ce genre de match, il n'y a pas eu de décompte de 10, vu que Ryback a littéralement explosé Cena contre le mur d'entrée en haut de la rampe, et Cena KO transporté par une civière, alors que Ryback se relevait péniblement, mais voilà, le match était arrêté par l'arbitre. Hein. Et c'est le sixième Last Man Standing Match John Cena, qui en avait disputé deux contre Edge en 2006 et 2010, un en 2007 contre Umaga, un en 2010 contre Batista et un en 2011 contre Alberto Del Rio. Son bilan précis, je crois qu'il est assez négatif. Mais voilà, je ne sais pas ce que tu as pensé, Sébastien, de ce match-là. Si, si, c'est un bon match. Le Last Man Standing, en général, j'apprécie pas trop. Parce que c'est vrai que voir l'arbitre porter des comptes de 10, ça ralentit pas mal le combat. Mais là, j'ai apprécié le spectacle. Hein. J'avais pas d'attente exceptionnelle pour ce match. Parce que John Cena Ryback, on s'attend pas à du catch 5 étoiles. Mais là, justement, la stipulation a pu cacher les faiblesses que les deux lutteurs ont. Et au final, ça donne quelque chose qui est très divertissant. Je trouve, du début à la fin, je ne me suis pas ennuyé, contrairement à ce que j'attendais au début, et notamment la fin du match qui est assez impressionnante avec ce passage à travers l'écran LED. C'est toujours ce genre de fin qu'on trouve une à deux fois par an dans certains pay-per-view, mais c'est toujours un mouvement que l'on retiendra à la fin de l'année. Et là, pour ce match, je trouve que c'était peut-être le bon choix de finir là-dessus, parce que je pense pas que l'un des deux hommes allait perdre véritablement sur ce combat. J'étais sûr qu'il y allait une suite qui allait arriver, donc la fin était bien choisie. MP. Je suis d'accord avec Seb pour la qualité du match. C'est un match quand même qui était au-dessus de mes attentes pour un John Cena Ryback. On peut se le dire, je pense que personne s'attendait à un 5-star match. Mais pour un last man standing en ce deux-là, je trouve que ça a quand même été bien exploité. Surtout le brawl à la fin, je trouve qu'il était très bon. Malheureusement, la finish, je trouve que c'est un peu con parce que là, je sais qu'on va continuer la feud et tout, mais la semaine standing, normalement, c'est la fin d'une feud. Hein. C'est un gros match de stipules que tu mets à la fin d'une feud et ça finit là. Mais comme un LNSL, mais bon, là, avec les pay-per-view ATM, ils ont un peu gâché ce concept encore. Mais ouais, ils vont continuer la feud avec un Ambulance Match. Donc, c'est un peu chiant de voir que même si on donne un gros match à stipules, on va continuer le mois prochain. Dans le fond, ça décrédibilise un peu le Last Man Standing Match qui est supposé être la fin d'une feud et là on va nous revoir avec un Ambulance Match qui va être sûrement plus mauvais que ce match-ci, je suppose, parce que les Ambulance Match c'est pas nécessairement la meilleure stipule à travailler avec. Donc c'est à voir, mais ça, le finish un peu ça a été un peu le côté plus sombre du match pour moi parce que si on aurait pu finir la feud avec un truc clean, j'aurais préféré, je pense, mais je comprends pourquoi la WWE peut le faire, puisqu'ils veulent faire un programme un peu plus à long terme entre ces deux-là. Mais bon, c'est un peu dommage, je trouve. Ouais, je rejoins sur ce truc-là. Hein. Last Man Standing, c'est clairement comme un Hell in a Cell, c'est vraiment pour terminer une feud. Et là, c'est même presque au début, donc c'est assez surprenant. Bon, pour revenir au match, c'est vrai que l'histoire du moment important et du moment qui flash à Extrême Rouge, j'ai l'impression que ça devient une constante parce qu'on avait déjà eu l'histoire dans un Last Man Standing, je crois, avec c'était un Chokeslam ou un Attitude Adjustment là qu'on avait envoyé John Cena dans un réacteur à moitié dans un. C'est le Big Show qui a fait un Oui, le Big Chokeslam Show sur John Cena. Cena. Ouais. Sinon, t'avais aussi Cena qui a fait l'Attitude Adjustment sur Batista du haut d'une voiture à Over the Limit aussi. Ah voilà, j'ai fait un mix des deux. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que Ouais, t'as fait un petit mix. c'est un mix, c'est vraiment une petite tradition qu'ils sont en train de mettre en place là, à cette époque-là, de faire, puisque c'est une époque quand même post-WrestleMania, donc assez faible, de mettre un petit moment important juste pour permettre de vendre le pay-per-view pour qu'on puisse s'en rappeler. Et là, l'histoire du Ryback Cena qui passe à travers les néons et tout ça, c'est pas mal. Après, bon, évidemment, on a pu voir qu'il y avait quand même quelques petits soucis avec l'histoire de la structure métallique, des choses comme ça. C'est assez surprenant avec l'arbitre qui compte pas, qui fait tout un détour au lieu de passer par la structure. Il pouvait presque passer par le trou créé par Ryback et Cena. Le match est assez classique, bon, c'est une stipulation que j'aime pas, mais le match n'était pas repoussant pour autant, donc pari gagné. Et Renaud, qui pensait que Ryback sortirait champion du match, t'as pensé quoi alors? De la fin du match? J'ai dit Ryback par rapport à son heel turn, mais en fait, je me disais aussi que bon, Senna allait peut-être conserver, mais le truc surtout, ce qu'ils ont fait à la fin, je pense que déjà, ouais, c'est comme ils ont dit mes collègues, c'est pour continuer la feud, mais c'est aussi. Parce que John Cena, il vient d'avoir la ceinture, quoi. John Cena, il a eu le titre à WrestleMania 29. On n'a pas voulu lui faire un règne pourri. Ryback, il a tourné heel, donc si on le fait perdre, ça sert à rien. Donc finalement, c'est un match nul. Bon, écoute, si ils ont trouvé cette solution-là pour continuer, libre à eux, mais le combat en lui-même, je m'attendais à pire et j'ai été quand même agréablement surpris, quoi. Je pense que c'est le meilleur combat que j'ai vu de Ryback en 1 contre 1 à la Fédération. J'ai trouvé le début sur le ring assez bon. Il a surdominé John Cena, il a baladé, il se l'est trimballé d'une épaule à l'autre, il a enchaîné avec des slams. C'était quand même, il est surpuissant le mec, c'était quand même super impressionnant. J'ai rarement vu Cena se faire balader comme ça dans un ring au niveau puissance. Après, bon, ben, c'est classique à la WWE, les Last Man Standing. Après, ça part un peu dans la foule, en backstage. Donc, c'était du classique. John Cena avec son extincteur. Alors, ça, c'est sa nouvelle mode. Hein. John Cena, l'extincteur, c'est son nouvel ami. Donc, ben, il a sorti son extincteur. Et puis, la fin, oui, ben, je rejoins tout le monde aussi sur cette fin très bizarre. Mais à Last Man Standing, les gars, là, on parlait que on se dit, oh, c'est bizarre, la feud vient de commencer, on commence sur un Last Man Standing. Et ouais, mais. Déjà, le pay-per-view, c'est Extreme Rules, donc il faut trouver une stipulation. Et rappelez-vous qu'en début d'année, Big Show et Del Rio, ils ne s'étaient jamais affrontés. Les mecs avaient commencé sur un Last Man Standing pour finir sur un match simple. On est plus surpris par ces stipulations maintenant qui arrivent comme ça d'un coup, dès le début. Donc voilà, pour moi, au final, sur ce match, pas mauvais, agréablement surpris même, la prestation de Ryback. Voilà. Justement, c'est Last Man Standing, j'ai l'impression qu'il y en a un. Enfin, c'est marqué dans le contrat de Cena que tous les ans il doit faire un Last Man Standing. Bon, je sais bien que Cena on veut le vendre comme un Superman, mais faut pas abuser non plus, quoi. Et un truc qui m'a énervé aussi, c'est le coup de l'extincteur. Alors je sais Ah. pas, je me suis jamais pris un coup de fumée d'extincteur dans la gueule, mais depuis quand ça fait mal? Non mais c'est clair, je te rejoins totalement. J'en avais parlé sur le Big Show Alberto Del Rio. C'est nouveau depuis quelque temps à la WWE. On sort l'extincteur et on met un coup de fumée. Alors que tu mettes un coup d'extincteur dès le début, moi je veux bien. D'ailleurs il le fait après, bon, allez, coup d'extincteur, oui. Mais la fumée, moi j'ai l'impression que c'est pour faire rire les gens. Je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois qu'il y a un coup de fumée d'extincteur, tout le monde rigole, quoi. Tout le monde rigole. Enfin, en même Moi temps, Last Man personnellement, ça me fait Standing, pas rire. c'est pas. Ouais, voilà, dans une Moi, ça me situation rappelle comme ça, c'est pas PG, on est sympa. très PG Vincent quand même, hein. On est vraiment très PG dans ce show-là, si tu Ouais. remarques bien. Ouais. Non, mais le coup d'extincteur, c'est bien dès que t'es un fan qui est présent dans l'arène, ça fait rire, voilà, mais devant la télé, Voilà, ça ouais. passe beaucoup moins bien. Moi, ça me rappelle l'affreux Michael Cole contre John Cena et ça me fait vomir à chaque fois. Moi aussi, j'y ai pensé. Et j'ai pensé aussi au Jericho Punk d'Extreme Rules l'année dernière. Il y avait eu aussi ce coup pendant que Ah ouais. Jericho voulait porter son Walls. Donc, ouais, ça m'énerve un peu qu'on mette tout le temps un Last Man Standing à Cena ou des I Quit aussi. C'est la stipulation qu'on aime bien. On aime bien lui refiler. Et bon, la fin, j'ai bien aimé. Mais faut avouer que le match est meilleur qu'on pensait, surtout avec quelques bons spots, genre le follow slam de Ryback à travers la table. Après, il y a un moment où Yacina qui saute sur lui et le chope, il lui porte un power slam, c'était pas mal. Mais ouais, non, à part un ou deux trucs, c'est vrai que je m'attendais à carrément pire. Mais l'ambulance match, pardon, je pense que ça va être beaucoup plus difficile parce que déjà deux matchs de suite qui se ressemblent. Et puis il va falloir être innovant dans les spots. Et avec Cena, j'ai du mal à avoir des spots innovants. Est-il faux? Ouais, bah moi aussi, au final, moi j'avais lu tes critiques en fait, Brusty, sur le forum avant de regarder ce match. Puis je t'ai vu assez dur avec, donc je me suis dit, merde, ça va être chiant. Bah au final, non. Honnêtement, moi j'ai bien aimé ce match, même si le rythme était pas. Il n'y avait pas vraiment de rythme, hein, on est d'accord. Mais je trouvais que le travail des deux dans le ring était plutôt bon. Entre les tables qui cassent et tout, après à l'extérieur, oui, je crois qu'il y a trois tables qui pètent dans le match, donc c'est plutôt sympa à voir. Après, ça se balade à l'extérieur du ring pour aller rejoindre le décor, et puis le spot de fin est vraiment sympa à voir, franchement, avec les lumières qui éclatent et tout. Après, oui, c'est vrai que ça rappelle un peu le chokeslam du Big Show sur Cena, encore une fois. Mais j'ai trouvé ça sympa. Après, j'ai vu que l'arbitre Charles Robinson s'était justifié, qu'il avait arrêté le match en disant qu'il était choqué par ce qu'il avait vu, quoi. Bon, après, c'est vrai que c'est pas. Bon, voilà, c'est pas terrible non plus comme fin, mais bon, je suis pas, ça me choque pas plus que ça, honnêtement. Donc, ça va continuer la feud, et puis bah, on verra comment ça va se passer après, quoi. Ben ouais, c'est vrai que là tu me disais, ouais, c'est vrai que le match, moi j'ai moyennement apprécié. Bon, j'avoue, j'ai peu d'acquaintance avec Ryback, mais il y avait peu de rythme. Bon, ben, en même temps, j'étais pas très surpris. Hein. Surtout sur le ring, il y avait peu de rythme, c'était assez pauvre. Ils ont mis un peu de temps, je trouve, à aller à l'extérieur. Ça s'est dynamisé ensuite à l'extérieur, mais il y avait un peu trop de temps, je trouve, sur le ring. C'est ça qui était dommage. Et puis la fin, bah, je trouve assez dommage. C'est la règle du last man standing, il faut aller jusqu'au bout, quoi. C'est la stipule, normalement, elle prend la destruction de l'adversaire. Donc, bah, il faut qu'il fasse quand même le compte. Bah, au pire, s'il y a un double compte de 10, bah, on y va. Voilà, 10 partout et puis balle au centre. Mais là, no contest sur ce genre de truc qui est un peu sans disqualification au départ, normalement, bah, ça fait un peu bizarre. Bon, voilà. Bon, après, il y en a un qui a beaucoup mieux apprécié le match. C'est Gus, évidemment, parce qu'il est content que la rivalité continue, parce qu'il n'y a pas grand-chose jusque-là. Donc maintenant, ils vont pouvoir se mettre dans l'ambiance, surtout avec l'ambulance match. Mais si Ryback le perd, c'est la fin pour son personnage. Sinon, concernant le match, il a trouvé que Cena était trop over. Ça lui rappelle Backlash 2009. Voilà. Donc, mais sinon, je voulais ajouter un truc. Je ne sais pas comment ils vont faire pour faire sortir Cena vainqueur au prochain match. Parce qu'entre sa blessure à la cheville, blessure pas si grave que ça par rapport aux news qu'il y avait eu au début, et bah, ce spot là qu'il faut quand même vendre, je sais pas comment ils vont faire pour le faire sortir un gagnant de l'ambulance match, pardon. Et qui dit que Cena va gagner? Ouais, c'est clair. Jamais, hein. Ah bah ça me ferait mal au cul par contre. Ah ouais, mais avec la WWE on peut s'attendre à tout. Je me mouille, je vous l'annonce ce soir, Ryback champion au pay-per-view, au payback justement. Ou alors, est-ce que CM Punk, vu que le pay-per-view aura lieu à Rosemont, qui est dans la banlieue de Chicago, fera son retour à ce moment-là? Je sais. Trop tôt, je pense. J'aimerais beaucoup, mais trop tôt. Ouais, bah, c'est vrai qu'après son retour, il serait plutôt vers SummerSlam, il paraît, mais bon. Ben, moi, ça ne m'étonnerait pas du tout, parce que quand même, c'est Chicago. Et les plans étaient de le faire revenir au Raw la semaine prochaine à Calgary. Il y a quelques semaines, il y avait déjà les rumeurs pour ça, donc moi, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'ils reviennent, parce que Chicago, quand même, ça passe quoi, une fois par année, niveau pay-per-view, sinon moins. Ils ont qu'ils font pas rater l'occasion, surtout après la réaction qu'il a eue à Money in the Bank il y a 2 ans. On sait que Chicago, c'est quand même un gros marché de lutte, donc... Ouais, mais je crois qu'il voulait quand même pas mal de repos, quand même, il me semble. Ça fait pas très longtemps, mine de rien, qu'il est parti. Mais ça reste à voir, pourquoi pas. Mais s'il est prêt, pourquoi s'en passer, quoi? C'est con, là. Surtout quand t'as Chicago, qui est une foule extraordinaire. Ah oui, c'est sûr, totalement. Je te rejoins totalement. Personnellement, j'y crois pas trop. J'aimerais aussi. Moi non plus, oui, j'aimerais, pareil. J'aimerais aussi, mais j'y crois pas trop. Déjà, le pay-per-view me semble très mineur, quand même. C'est un premier pay-per-view. C'est un nouveau, c'est un nouveau pay-per-view tout court. Il y a plus de préparation, donc... Ouais, voilà, c'est ça. Ça rappelle beaucoup Capital Punishment, ce genre de pay-per-view Over the Limit. Et puis, je sais pas si ça ferait vraiment un grand bien à John Cena et Ryback que Punk se ramène dans ce match-là, sur la fin. Je sais pas. Je vois pas Punk arriver à Payback. Je vois pas. C'est clair que ça pourrait éloigner le spotlight de Ryback. Ouais, c'est ça que je veux dire, exactement. Je pense plutôt qu'ils vont faire un segment avec Polyman et peut-être Curtis Alex, Axel, pardon. Donc, je pense qu'ils vont faire un segment pour faire plaisir aux fans, pour signifier la présence de Punk au pay-per-view, mais qu'il ait un match, je pense pas. Ouais, bon, mais ce sera à voir dans 3 semaines, à peu près. On verra bien ce qui peut se passer. L'ancien Punk a dit sur son compte Twitter qu'il est là où il doit être. Alors, voilà, il a coupé un peu court aux questions de fans qui demandaient quand est-ce que tu reviens. On peut passer au main event, s'il n'y a rien à rajouter. Donc le main event, c'était un steel cage match entre Brock Lesnar et Triple H, remporté par Brock Lesnar par tombée après 20 minutes 09. Qui remporte en quelque sorte la rivalité de 2-1, parce que Triple H avait gagné à WrestleMania et puis Brock Lesnar avait gagné précédemment SummerSlam. Perso, je pense que c'est un résultat logique et puis un paradoxe, parce que celui qui se fait dominer dans le match... Ben, en général, c'est celui qui gagne. Triple H était dominé à WrestleMania, il a gagné. Et puis là, Brock Lesnar a été dominé, il a gagné à son tour. Après le match, moi, j'ai pas aimé parce qu'il n'avait pas de rythme et il n'avait pas beaucoup de fond, je trouve. L'action n'était pas énorme. La fin, par contre, a pas mal accéléré les choses avec Paul Heyman, l'entrée du Sledgehammer qui est assez originale, mais c'était quand même bof. Enfin, moi, j'ai trouvé assez bof. Je sais pas ce que tu en penses, MP. Tu parles de ce match-là qui était bof? Ouais. Ben, moi, je suis peut-être pas nécessairement d'accord. J'ai quand même bien apprécié le main event. Plusieurs disent que c'est le meilleur match des trois. Je suis quand même de cet avis, même si j'ai apprécié le match de WrestleMania peut-être plus que d'autres. C'est un match assez aussi old school avec le manager qui intervient dans le steel cage et tout, qui est de l'estand dans ce match-là. Mais moi, j'ai apprécié. Je veux dire, ce ne sera pas le match d'année. Ça, je peux le dire immédiatement avec les matchs qu'on a eus cette année avec Punk Taker et Punk Cena. Mais c'est un match qui a passé vite pour moi, qui était plaisant à suivre. Aussi, de faire gagner Lesnar, c'est ce qu'il fallait. Ils ont pris la bonne décision de booking. Puis, justement, comme j'ai dit, c'est un match divertissant. Bon, c'est un peu con, par exemple, que ça, c'est une décision de booking aussi, mais qui mal intervient dans ce match-là parce que Lesnar, il passe peut-être moins comme un monstre dans ce match-là à cause de ça, mais il s'attire quand même des belles huées avec ça aussi. Puis, Heyman, c'est un des meilleurs managers au monde, donc c'est normal qu'il aide son client aussi. Donc, ça dépend de la vision qu'on a, mais moi, j'ai bien apprécié. Puis, à la fin aussi, ce qui est le plus important, c'est que Lesnar gagne et ça conclut finalement cette trilogie avec Triple H parce que là, on n'avait plus vraiment de jus de cette rivalité-là. C'est le dernier match, c'était clair parce que sinon, si on aurait continué encore, je pense que. On aurait vraiment perdu des gens. Déjà là, on n'était pas tout le monde était content d'avoir trois matchs entre les deux. Donc, je pense qu'ils ont bien clôturé ce chapitre-là entre les deux. Puis, je suis content de qu'est-ce que ça a donné au final. Renaud? Ben moi j'ai bien kiffé ce match, donc je pense que c'est une des premières fois où je suis pas d'accord avec toi depuis que je suis arrivé sur SOS Radio, mais moi j'ai trouvé la psychologie très bonne justement sur le genou cette histoire autour du genou de Brock Lesnar. Sincèrement, c'est un des meilleurs combats en cage que j'ai vu, quoi. J'ose le dire. Je parle en cage normale, hein, je compte pas le Hell in the Cell, bien sûr. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais la cage a changé, c'est une nouvelle cage maintenant. Qu'ils ont mis en place. Bon, elle est très proche de l'ancienne, mais le grillage est un peu plus écarté. Les caméras, enfin, je trouve que c'est mieux à l'écran, c'est beaucoup mieux. Mais ouais, j'ai Nantes, sincèrement, franchement, j'ai trouvé le match plutôt bon. Triple H qui a fait un très gros combat. Lesnar qui a très bien vendu les prises. Vraiment très sympa. J'ai connu toutes les cages, moi. Ça fait un peu vieux con de dire ça, mais sincèrement, j'ai connu toutes les cages à la WWE. J'ai connu la première cage. La bleue très dure à l'époque où même Bret Hart et Owen Hart s'étaient affrontés au SummerSlam 94 ou Hogan contre King Kong Bundy à WrestleMania 2. Ça, c'est l'ancienne cage. Puis après, il y avait eu la classique. Mais celle-là me plaît bien. J'ai bien kiffé. Très très bon main event. J'ai adoré aussi, je précise, pour ceux qui ont vu sur AB1, je ne sais pas s'ils seront d'accord avec moi, mais la prestation de Christophe Aju sur le main event était assez énorme. Le mec s'est enlevé la cravate, a fait tomber la veste, il était en feu complet. Je pense que ça aussi, ça y joue. D'avoir un commentateur comme ça, entre 4h du matin et 5h, qui est chaud comme la braise, toi tu es devant ta télé, je pense que ça y joue aussi par rapport au stream sur l'ordi, c'est vrai. Mais je reverrai ce match avec grand plaisir pour ma part, donc ouais, très content du résultat. Et finalement, pas déçu de cette trilogie, peut-être le premier match à SummerSlam. Ouais, assez déçu, mais le WrestleMania 29 et celui-là, plutôt bon. Voilà. Et concernant AB1, est-ce que le deuxième tweet de Sébastien est passé lors de ce match? Alors Sébastien, excuse-moi, hein, j'ai vu tes deux tweets, je m'en souviens les avoir vus, mais je m'en souviens pas la deuxième fois quand il est passé. Eh ben, moi non plus, figure-toi que je sais même plus. Tu Je crois que vois, ouais, c'était un c'est peu ça, plus hein. tôt, je dirais que c'était pendant le match de Del Rio, mais je suis alors pas du tout sûr. Ah ouais, j'aurais dit Big Show Orton, moi. Donc tu vois, peut-être, je sais pas. Là, t'as peut-être raison, hein. Et sinon, pour revenir au match, moi je suis plutôt de l'avis de Renaud également. Moi j'ai bien aimé le combat qui a été proposé. C'est un peu comme le Cena Ryback, j'avais pas forcément de grandes attentes, mais finalement, c'est vrai que j'ai été pris dans le jeu d'entrée, notamment par le fait que Triple H n'a même pas eu son entrée, il a directement attaqué Lesnar, donc ça m'a directement mis dans le bain. Et après, pendant 20 minutes, le combat passe et finalement c'est plutôt divertissant. Moi, pour ma part, j'ai bien aimé, notamment le spot avec le Sledgehammer qui est bien mené et la victoire qui a été donnée à Lesnar, c'est le bon choix de booking. Donc ouais, c'est bien fait. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, bon, je repartirai un peu solo alors, parce que Gus, il n'a pas vu le temps passer dans ce match, même si c'était un peu mou. Et puis lui, il a bien apprécié, au contraire d'MP, d'avoir fait intervenir Paul Heyman, pardon, dans la cage. Même si la particularité, quand même, c'est que l'arbitre n'est pas vraiment empêché Heyman, alors que normalement, il est censé pas le faire entrer. Et ça lui a rappelé une comparaison particulière à Artruss, qui, il y a 2 ans, était intervenu pour attaquer John Morrison, qui allait être champion de la WWE. Donc voilà. Bon, après, ouais, mais. Ouais, non, c'est vrai, moi j'ai pas un bon ressenti, mais c'est vrai que peut-être l'heure y fait. Ouais. Peut-être qu'à tête reposée, j'aurais peut-être un meilleur sentiment, mais moi j'étais quand même assez déçu parce que c'est une rivalité que j'aimais bien, la mieux construite, je trouve, du lot quand même. Il y a eu beaucoup de choses fortes dans leur rivalité étendue, donc je trouve un peu dommage que ça se termine comme ça en fait. C'était surtout ça. Moi j'attendais un combat un peu plus fort. Voilà. Donc si personne quelque chose à rajouter, on peut passer aux notes. Donc voilà. Donc sur 10, Apparemment, c'est moi ça me va. donc sur 10, les notes. Alors, bah, je vais demander la note à Renaud. Je vais mettre 7. 7 sur 10 parce que finalement, le Shield repart avec les ceintures dans deux combats courts mais assez bons. J'ai préféré le Jericho Fandango clairement à celui de WrestleMania. J'ai bien kiffé le main event. Et c'est peut-être un des meilleurs Big Show Orton que j'ai vu au final. Donc, un bon petit 7 sur 10 pour moi. Et Ryback Senna aussi qui était au-dessus de mes attentes. Voilà. La note de Tifo. Bon, moi je veux mettre un 5 parce que le pay-per-view s'appelait quand même Extreme Rules et pour moi c'était pas vraiment Extreme Rules quoi, c'était fade, ça manquait de surprise, il n'y avait pas beaucoup d'objets donc ça m'a pas vraiment emballé plus que ça malgré qu'il y ait eu quand même quelques bons matchs. Je me répète, ça, pour moi ça manque vraiment de surprise en ce moment à la WWE quoi. MP. Ben, moi, je rejoins Renaud avec sa note de 7 parce que, comme il a dit, le scénario back est surpris. C'est une belle fin de la trilogie Triple H Lesnar. Meilleur match des trois, selon moi, comme j'ai dit tout à l'heure. Puis l'undercard n'était pas mauvais. T'as même c'est vraiment la soirée où Tashi l'a dominé. Donc, ça, c'est un point très positif pour moi aussi. Il n'y a pas vraiment eu de match mauvais dans cette soirée-là non plus. Donc, c'était pas. Pour moi, tu peux pas. Je ne peux pas vraiment descendre du pay-per-view-là parce qu'il n'y a pas vraiment de truc de si mauvais non plus. Donc, c'est un pay-per-view qui a quand même été peut-être au-dessus de mes attentes avec la carte qu'on avait. Donc, certes, ça me semble une note justifiée, quoi. Vincent? Moi, je mettrais 7 aussi parce que même si, comme disait MP, la carte n'est pas super, ils ont quand même réussi à faire un pay-per-view correct sans bien sûr faire des trucs. Extrême. Bon, d'accord, c'est le but, mais après le Ryback Cena n'est pas dégueulasse, alors qu'on aurait pu avoir beaucoup bien pire. Je me rappelle du Hell in a Cell contre Punk qui était pour le coup dégueulasse. Après, c'est vrai que les matchs de bas de carte ne sont pas si mauvais que ça. Le Orton Big Show est bon, bah, un peu gêné sur la fin, mais ça va. Après, il n'y a rien de mauvais. Le problème, c'est qu'il n'y a rien non plus de vraiment. Très bon, à part bien sûr la mise en avant du shield. Donc moi c'est 7 aussi. Vers pas. 7,25, moi. C'est juste pour compliquer le calcul. Non, je trouvais que c'était quand même un bon pay-per-view avec surtout oui, ce strap match ouais, qui m'a marqué parce que vraiment j'en attendais absolument rien et au final on a quelque chose de bon. Il n'y a pas un match qui ressort du lot comme étant extraordinaire, mais il n'y a pas non plus de match tout pourri. Quand on regarde au final la carte, tout était très équilibré. Donc oui, 7,25. Sébastien. Moi, je suis monté encore un petit peu plus à 7,5. Bah, je trouvais que j'étais satisfait en sortant du pay-per-view. Il y a toujours quelque chose que j'ai apprécié dans chaque combat. Aucun combat n'est mauvais. Et donc, partant de ce postulat, je ne peux mettre qu'une bonne note, et donc un 7,5. La note de Gus, c'est 7 sur 10, parce qu'il a trouvé beaucoup mieux ce pay-per-view que les précédents in-ring. Quand The Rock n'est pas là, c'est un peu plus intéressant. Un petit casse, oui. Un bon pay-per-view niveau combat avec aucun ennui. Et pour ma part, je vais mettre 5,5 sur 10 parce que c'était correct, mais sans plus. Pas vraiment de déception parce que j'avais pas de grosses attentes, mais des stipules pas hyper exploitées. Et moi, ce genre de pay-per-view à stipules, je suis assez friand d'habitude. Et là, j'étais déçu, mais bon. Vu le produit actuel de la WWE en même temps, bon, c'était pas non plus une grosse déception, quoi. Alors, ça fait combien pour la moyenne? La moyenne est donc de 6,66. Dans le C'est mon segment. 5 qui gâche Oh. tout. Eh oui. On peut quand même dire que on peut recommander quand même le pay-per-view. C'est quand même le meilleur pay-per-view, je pense, de la WWE cette année, clairement. Déjà, avec les quatre qui nous ont été proposés cette année, je pense que ça a été le meilleur, même meilleur que WrestleMania, quoi. Ouais, bah, il n'y a pas photo. Ouais. Déjà que le reste de l'année était jusque-là assez faiblard, mais là, ça remonte pour un été qu'on espère bien meilleur. Donc, bah, on va pouvoir finir là. Déjà passer à la liste des partenaires. Bon, ben, les partenaires de Wrestle Radio, bon, d'abord FN Lutte, qui a posté, comme Sébastien Huberpage le disait, je pense, l'interview de Jean-Marc, vous avez fait hier, messieurs, une très longue interview de 50 minutes, très intéressante d'ailleurs, qui est disponible sur YouTube et Archive, si je suis bien informé. Regardez bien la page Facebook, le compte Twitter de Wessos Radio. Tout est indiqué avec les liens pour suivre dans cette interview. Et n'oubliez pas évidemment le gut check du 8 au 15 juin voté pour Chana. Le deuxième partenaire est Voxcatch. Voxcatch, il y avait des maintenances ces derniers temps, mais ça devrait être bon d'ici que l'émission sorte. Il y a des revues très intéressantes d'ailleurs que Bruce T. Vincent contribue, même Gus aussi, je pense. Donc, des très bonnes reviews de la New Japan, de la ROH, de la WWE, même TNA aussi, donc plusieurs fédérations. La Wrestling Evolution League, notre Twitter à Wrestle Radio, le Facebook, facebook.com barre oblique Wrestle Radio, le compte YouTube de Wrestle Radio où tous nos épisodes, je pense, sont présents, bah, en tout cas depuis l'année dernière, donc on peut quand même remonter jusqu'à assez loin. Le compte iTunes, bon, le compte iTunes, c'est moi qui m'en occupe, donc. Je sais qu'il y a des problèmes en ce moment. Je vais essayer d'arranger ça. Là, j'ai plus de temps libre ces temps-ci. Je vais pouvoir essayer de régler ça. Bon, en ce moment, le dernier épisode, je crois, qui a été uploadé, ça date quand même de, je crois, 2 mois. Ça, c'est des problèmes avec Feedburner. On va essayer de trouver un nouvel hébergeur. On va essayer de trouver une solution pendant cet été. Puis sinon, on vous tiendra au courant de qu'est-ce qui arrive avec ça. Instant Catch, Vincent serait mieux placé pour en parler que moi, mais je sais qu'il y a un épisode qui est sorti récemment. Il y a 2 épisodes qui seront sortis d'ici la sortie du podcast. 2 matchs d'Extrême Rouge, les 2 premiers, Fandango contre Chris Jericho et Kofi Kingston contre Dean Ambrose. Et sinon, pour ceux qui aiment les matchs extrêmes, on a commenté 2 matchs il y a quelques temps, Randy Orton contre Mick Foley en 2004 et en 2005 à One Night Stand. Il y a les Dudley Boys contre Sandman et Dreamer. Donc, vous pouvez regarder ceci sur la page Instant Catch sur Dailymotion, je crois. Et il y a aussi le Facebook Instant Catch, si je suis bien informé. Il y a aussi Catch Asylum, le catchasylum.com, qui est un très bon forum. Et Central Pop Rock, mais ça s'appelle plus Central Pop Rock, c'est maintenant Révolte Radio, je crois. Il y a aussi une page Facebook pour Révolte, donc vous pouvez aller les voir pour toutes les nouveautés de la radio. Oui, avec un coucou à Kevin, oui. Kevin qui met beaucoup de temps là-dedans, donc ça peut être très plaisant à écouter pour découvrir des nouveaux groupes, des nouvelles musiques. C'est toujours très plaisant. D'ailleurs, Donc, vous pouvez investir dans sa radio puisque pour organiser des interviews lors d'un festival, ils ont créé un projet Ulule et vous pouvez investir dans ce projet s'il ne vient pas à terme, puisqu'il y a une certaine somme à atteindre. si ça ne vient pas à terme, vous serez remboursé de la somme du don que vous avez fait. J'avais aussi oublié de mentionner l'adresse wrestleradio @gmail.com que vous pouvez nous retrouver, vous pouvez nous écrire plutôt pour tout commentaire, suggestion sur l'émission, comment on pourrait s'améliorer. Voilà, vous pouvez faire part de vos commentaires sur le Gmail. Voilà pour la liste des partenaires. Et voilà donc la conclusion de ce premier épisode sans Gus. On en espère d'autres à l'avenir. Je suis con, quand même. Pas de... Pardon. Non, mais merci beaucoup pour votre fidélité. En tout cas, n'hésitez pas bien sûr à réécouter les anciens podcasts et puis écouter soigneusement ce podcast-ci et puis le podcast d'interview. Et quant à nous, on se retrouvera prochainement, je crois, pour un Impact Wrestles début juin qui parlera de son anniversary. Et Sonnenel Wessos reviendra fin juin pour parler de Payback. On vous dit à la prochaine. Et surtout, portez-vous bien. À ciao. Ciao, ciao. Ciao. Sierra Hotel, India. Echo, Lima, Delta, Shield.